Bonsoir, bonsoir à tous. On commence avec l'Eurodame de basket et la France qui est la grande favorite pour le titre qui sera opposée dès 20h à la Turquie dans une demi-finale qui s'annonce pour le moins ouverte. La France vice-championne olympique en 2012 est passée tout près de l'élimination contre les étonnantes suédoises hier s'imposant de justesse 87-83. Ce match France-Turquie qui sera d'ailleurs la revanche de la demi-finale de l'Euro 2011. Les Turcs avaient surpris tout son monde en s'imposant 68-62 avant d'échouer en finale face à la Russie. Direction Wimbledon où les rencontres ont repris après un épisode pluvieux. Jérémy Chardy s'est qualifié difficilement contre l'allemand Jan Lennart Struff, 6-2, 5-7, 7-6, 7-6. Le français rencontrera d'ailleurs au prochain tour le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Notez la défaite d'Alizé Cornet qui est pourtant passée très près de la victoire. Défaite en 3 manches, 0-6, 7-6, 6-4. Sur le court en ce moment, Marion Bartoli et Adrian Manarino. Début demain en Corse du 100e Tour de France de l'histoire. La première arrivée se fait à Bastia, au bord de la plage de l'Arinella, en conclusion de la première étape du Tour de France, longue de 213 km au départ de Portovec. Un départ qui sera donné à 12h. La France qui fait partie des 7 pays qui ont manifesté un intérêt pour candidater comme pays hôte de l'Eurodame de foot en 2017. Les autres pays intéressés sont l'Autriche, Israël, les Pays-Bas, la Pologne, l'Écosse et la Suisse. Le pays hôte sera désigné en décembre 2014 par le comité exécutif de l'UEFA. Djibril Cissé quitte les Queen's Park Rangers et devient un joueur libre sur le marché des transferts. Âgé de 31 ans, Djib avait été prêté ces 6 derniers mois à Al Gharafa, club du Qatar. Il avait rejoint QPR en janvier 2012, jouant 29 matchs, toutes compétitions confondues pour le club anglais, avec 10 buts à la clé. On termine avec Alain Mimoun, légende de l'athlétisme français qui est décédé hier soir à l'âge de 92 ans. Alain Mimoun a marqué l'histoire de son sport grâce à sa victoire au marathon des Jeux Olympiques de Melbourne en 56, où il avait notamment dominé le Tchèque Emil Zatopek. RGB 99. Yaga yao, wow, wow, can't call. Yo, big up to Street Diamond 99.2 FM, Paris, France, from 7 p.m. to 10 p.m. Yo, Talaja, Bandem, Macparo, big up, you don't know, sawa, are you mine? Yeah, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et de temps en temps, mieux vaut une chanson que mille paroles. Donc récemment, sur les réseaux sociaux, j'y m'étais ému d'une association qui essayait de faire le buzz en utilisant des relais, ma foi, sans, avec peu de dignité. Et de temps en temps, mieux vaut une chanson que mille paroles. Ce morceau est sur l'album Dernier MC. Le morceau s'appelle Constat Amer, l'homme s'appelle Kerry James. Écoute bien ça, t'es bien sûr Street D, 19h-22h sur Radio RGB, bien sûr. Crevé, j'en ai marre de combattre les miens. Je serais pas étonné qu'ils me tuent de leurs propres mains. Nous, je veux y croire, mais j'ai bien peur que ce nous ne soit qu'illusoire. Tout s'adepte du chacun pour soi. Personne ne nous respecte et je crois savoir pourquoi. On est avare et divisé. On se fait avoir, on ne forme même pas une communauté. Préoccupé par le besoin, serait-on tous myopes, incapables de voir loin? On veut pas le bien, on veut le gain, quitte à détruire l'intérêt commun. On vit dans l'inconscience des enjeux, mais malgré nous, les médias nous ont mis dans le jeu. Manipulés comme des pions, tout le monde mise sur notre division. On subit la xénophobie, incapable de s'organiser en lobby. On sera toujours des mendiants aux portes de leur monde tant qu'on croira que le respect se quémande. Le respect s'impose et la lutte est économique. Observe la communauté asiatique. Nous on fait beaucoup de bruit et peu de chiffres. On donne peu de coups et on reçoit beaucoup de chiffres. Impunément, les médias nous salissent car conscients que nous insulter ne comporte aucun risque. On fait peur à personne, on est la risée de tous et nos émeutes se déroulent loin de l'Élysée. à part brûler quelques voitures de pauvres gens comme nous et saboter nos propres structures. Où est notre révolution? Où est notre révolution? On est en France depuis plusieurs générations. Et où en est-on? Même si ça me fout un coup au moral, force est de constater qu'on est en bas de l'échelle sociale. Collimateur des médias, y'a pas plus visé que nous. Alors toi, explique-moi pourquoi y'a pas plus divisé. On se plaint du racisme, mais ne les tombe pas nous-mêmes. C'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. Les Algériens contre les Marocains contre les Tunisiens. Les Antillais contre les Maghrébins contre les Africains. Les Turcs contre eux, même dans les mosquées, nos cœurs se sont divisés. Chacun veut diriger, chacun veut dominer. Et refuse d'envisager que le meilleur soit pakistanais. On peut se poser la question qui sont les plus racistes. Y'a qu'à observer les problèmes que posent les mariages mixtes. On peut pas reprocher aux autres ce qu'on est nous-mêmes. Je mets le doigt où ça fait mal, c'est normal que ce texte vous gêne. Y'aura jamais d'évolution sans profonde remise en question. Est-ce qu'il y a plus fou qu'un fou qui croit avoir la raison? Dois-je préciser ma vision? Tant qu'on se prendra pour ce qu'on n'est pas, on courra dans tous les sens, mais on ne fera jamais un seul pas. La pauvreté ne peut excuser le fait de se comporter comme des non-civilisés. L'agressivité constante et les insultes, en fin de compte, ne profitent qu'à ceux qui nous font passer pour des incultes. Ne profitent qu'à ceux qui nous haïssent, nous désignent comme problème, et pour ça nous salissent. Réalise, tu sers d'idiot utile, tant que tu n'as aucune vision. Si tu n'aimes pas te faire battre, pourquoi tendre le bâton? Tu veux faire tomber le système, vomis la pilule, et commence par refuser qu'elle te manipule pour qu'une rébellion aboutisse. Elle doit être pensée, et je sais qu'on ne mène pas une révolution de froc baissé. Ceux qui entrent en politique nous trahissent, se complaisent dans le rôle de l'arabe ou du noir de service. Il suffit peu pour les corrompre, non pas que le système les trompe. On ne sert de serpillière que lorsqu'on rompe. T'as perdu et t'es perdu quand tu te mets à espérer devenir quelqu'un en niant ton identité. Ils ont du mal à durer car la trahison est jetable, et chaque traître s'assoit sur un siège éjectable. Quant à ceux des nôtres qui réussissent, ils se voient contraints de fuir avant que la jalousie les punisse. Car dans le cœur des envieux et dans les yeux des incapables, la réussite te rend coupable. Est-ce une excuse pour justifier l'égoïsme et fuir le passé en Lexus? Difficile de tendre la main sans se faire couper le bras. Mais si je m'occupe pas des miens, qui le fera? Y'a que chez nous que le succès débouche également sur l'impasse. Car les derniers veulent te tuer pour la première place. Et tes frères disparus, que tu continues à pleurer. C'est pas des flics qui les ont butés. On est les premières victimes de notre propre violence. Le signe de notre profonde ignorance. On se bute pour du hache, de la coke ou du cash. Et bientôt, on se butera pour un clash. Besoin de solidarité si l'on veut espérer un jour pouvoir quitter la précarité. Y'a pas qu'en détestant les autres qu'on se construit. Dans ton miroir, tu vois parfois ton pire ennemi. Je ne serai jamais votre leader, je n'en ai ni la vertu, ni la valeur, ni la rigueur. Si j'ai un mérite, c'est celui d'avoir essayé. Et si j'ai une prétention, que ce soit celle de vous aimer. Et celui qui aime ne triche pas, je dresse un portrait sombre, mais je ne fais que décrire ce que je vois. Reviens sur terre, laisse tes illusions prendre la mer. Quand tes yeux s'ouvriront, tu feras comme moi ce constat amer. Ce constat amer. Besoin de solidarité si l'on veut espérer un jour pouvoir quitter la précarité. Y'a pas qu'en détestant les autres qu'on se construit. Dans ton miroir tu vois parfois ton père ennemi. Tout ça d'être du chacun pour soi, personne ne nous respecte. Et je crois savoir pourquoi. On est un vin et divisé. On se fait avoir, on ne forme pas une communauté. Besoin de solidarité si l'on veut espérer un jour pouvoir quitter la précarité. Y'a pas qu'en détestant les autres qu'on se construit. Dans ton miroir tu vois parfois ton pire ennemi. Tout ça dépend de chacun pour soi, personne ne nous respecte. Et je crois savoir pourquoi. On est avare et divisé. On se fait avoir, on forme pas une communauté. Greek Diamond 99.2 With your rips to being OG. Stack up from the being OG. L'homme s'appelle Kerry James. T'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et on va s'écouter une petite nouveauté. L'homme s'appelle Alex Diaz. Le morceau s'appelle Come Into Diaz Groove. Et si tu connais l'émission, ici on passe de tout, ou ce qu'on aime en tout cas. Écoute bien ça, Street Day baby. J'en place une pour Kid Curse. I'm your host, and I'm very pleased to present you a very talented saxophonist, Mr. Alex Diaz. He is accompanied with the Outgroove crew. We have on drums Mr. Johan Danny, aka Yo Yo the Funky Drummer. On the bass, Mr. Regis Therese, and the piano man, Mr. Mario. So now, sit back and relax, baby, and come with us into this groove. Yeah, yeah, here we are. This is how we do, this is how we do. Of our crew, baby, let me show you how this do now. He got a sexy size, yeah. He got a song to make you move, yeah. Now he's the rest of this crew. You're the funky drummer, so cool, yeah. He's a metronome, yeah. The boy keeps a throwing bass, yeah. So now let me show you how cuz do. He's a guy who has a 15 groove, yeah. He got a sexy bass, yeah. He got the loop to make you move, yeah. So let us show you how we do. Hey, hey, come into this groove. Hey, hey, this is how we do. Hey, hey, come into this groove. This is how we do. Hey, come into this. Hey, hey, people. Now listen to our piano man, Mr. Mario. Now listen and just give the drummer some, Mr. Johan Danny. Yeah. Hey, hey, come. I'm into this groove. Hey, hey, this is how we do. Hey, hey, come into this groove. L'homme s'appelle Alex hey, Diz. Hey. Et vous avez remarqué que je me suis trompé dans l'intitulé de son nom, mais c'est la première fois qu'on joue et ça fait plaisir de découvrir des artistes des West Indies qui déchirent. Donc voilà, on va continuer calmement avec Véronique Herman Sambin. Le morceau s'appelle Ticket Gagnant. Après jour, qu'un défilé entraîne moi, y'a qu'à passer la vie carine sans rendez-vous, sans prendre la peine avec nous. Jour après jour, nous caillons coucher sans ça, si demain, qu'est content, sans ça. Mais on nous qu'elle y fasse ou aille touche le vent. Il est pour miser. Assis-vous lis-nous. Oui, c'est vous lis-nous. Bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On va continuer calmement avec le coup de cœur Soul Outre-mer. Le morceau s'appelle Baby Be Mine. Vous pouvez retrouver ce morceau sur le projet Karma Sultra de Marilou. Écoutez bien ça. When I'm by your side, every moment takes me to paradise. Darling, let me hold you, warm you in my arms and melt your fears away, and show you all the magic that a perfect love can make. I need you night and day. Bye. bien sur Street Diamond et on va continuer avec Mademoiselle AC sur ce morceau. Elle est accompagnée de Stestros. Le morceau s'appelle Ouh Oui. On se demande qui je suis, ce que je fais, d'où je viens, ce qui me porte, où je vais. En vrai, peu importe ce que j'ai fait, si ça te tente, tu peux aller chercher. Google Maps, tu trouveras mon CV. Mademoiselle ici. Sur la porte et je slide en effet. Je m'exporte et inspire le respect. Ouais. Ma plus grosse punchline pour toi, tu sais. C'est quand j'ouvre la bouche et le public fait. Ce toujours en bougeant la tête. Notes de zik, ouais. Chut, attends, viens le beat. J'aime quand il me prend dans les tripes. Laisse le tourner, j'ai besoin qu'il m'habite. Qu'il féconde mon esprit, je prendrai une pépite. Lance mon garage ben, clic, record, pose le décor. C'est parti pour un nouveau titre. Je l'appréhende comme une co-girl. Le chevau, j'aime plus former qu'un seul corps. Définir mon style, difficile, je rappe tout court. Je diversifie les plaisirs, car c'est ma cour. Pas de masturbation, j'écris comme je parle. Je fais de la musique propre, ouais, je fais aussi des banlieues sales. La cerise sur le ghetto, chic mature. Ouf, Dieu merci, je joue en cours. Sur tous les fronts, appelle-moi MC Diri. Obéis à toutes les sauces, si si, je compte plus les ouïes. Chérie, tu n'as pas bien compris que oui de nous deux, c'est moi qui gère ici. T'as besoin de preuves, tu me dis, c'est que tu pratiques mon pire. Mais de nous deux, tu sais que je gère et que je suis bien plus qu'une power girl. It's your boy Keith the Beast checking in with Street Diamonds on 99.2 FM. Paris, France. Est-ce que vous êtes prêts ou elle en volé, moi? J'aime PNCP, LST smoké. N'en presse pas qu'arriver, contrôler moi. Fly shit dreamé, yes we trippé. Est-ce qu'elle ouvre prend ou elle envole moi. J'aime PNCP, LST smoké. N'en presse pas qu'arriver, contrôler moi. Fly shit dreamé, yes we trippé. Est-ce qu'elle ouvre prend ou elle envole moi. J'aime PNCP, LST smoké. N'en presse pas qu'arriver, contrôler moi. Fly shit dreamé. Yeah, ben moi t'y bois résine, aidez toi barési. T'y bois vin rouge, mettre rouge à lèvres, fais-moi plaisir. Pas besoin bagage, nous qu'a taillé au large. Baby, nous qu'a flight à la c'est un voyage. Ben moi t'y bois oui, devin ou que voyons génie. Ben moi t'y bois la fille, et ou que voyons phénix. Nous déjà disons qu'on s'acquête, c'était les prémices. Sans aimer, mais fais l'amour fuck up. Aussi on plage, c'est félix. Ben moi t'y bois oui, devin ou que voyons génie. Ben moi t'y bois la fille, et ou que voyons phénix. Nous déjà disons qu'on s'acquête, c'était les prémices. Sans aimer, fais l'amour fuck up. Aussi on plage, c'est félix. Mais en fait, c'est qui les préliminaires. Et ben en casse-mort, qui qu'a déshabillé à la fine. Il paranoïa, non, et ben en amnésique. En parlant de qui a changé de vitesse. Il a dit mais en VP qui les préliminaires. Et ben en casse-mort qui a déshabillé à la fine. Il paranoïa non. Et ben en amnésique. En parlant de qui a changé de vitesse. Et en paix voyant si y'a pas envie de dormir. Soleil là qu'a revide mais tchad là pour partir. Girl, on nous fait le vide. Déshabillé ou encore. Est-ce qu'elle ouvre prend ou elle envole moi. J'aime PNCP, LSD smoking. N'en presse pas qu'arriver, contrôler moi. Fly shit dreaming, yes we tripping. Est-ce qu'elle ouvre prend ou elle envole moi. J'aime PNCP, LSD smoking. N'en presse pas qu'arriver, contrôler moi. Fly shit dreaming, yes we tripping. Est-ce qu'elle ouvre prend ou elle envole moi. J'aime PNCP, LSD smoking. N'en presse pas qu'arriver, contrôler moi. Bon moi t'y bois crazy, fais la fin moi plaisir. Attaque soviétique qu'on les microbes Wada ou Brésil. Compte l'argent, un jalas fait crédit. Un café bité, un moins bien, tout ça déjà prédit. Yeah. Je sais moi qu'à stress, et bon moi qu'à trèf. En qu'à work, en veille, en qu'est laissé yo, elle veut paresse. En qu'est blessé yo, ou à connaître, elle veut caresse. En qu'à rec, et en qu'à fait tout bité en règle. Ça a vraiment des mains, attirer l'argent qu'on aimant. Ça a vraiment des mains, ça fait nous jusqu'à bon élan. Elle veut tout bité qu'à fête. Au frère là c'est la fête. Ça a vraiment des mains, attirer l'argent qu'on aimant. Ça a vraiment des mains, ça fait nous jusqu'à bon élan. Elle veut tout bité qu'à fête. Au frère là c'est la fête. Yaga yao, whoa, whoa, can cool. Yo, big up to Street Diamond 99.2 FM, Paris, France, from 7 p.m. to 10 p.m. Yo, Talaja, Bandem, Mac Paro, big up, you don't know, sawa, are you mine? Vous êtes bien sur Street Diamond. Yeah. Et on poursuit avec l'homme César. Samsi. Comme ta. Yeah. Je m'en bats tellement les roubignoles du rap que même avec du bœuf je pourrais perdre ma place. Mec, juste fais tourner le track, passe-moi une feuille que j'y laisse ma trace. C'est ma confidente, mon pote, mon mode de vie. Aucune norme pour confier ses secrets à la plume, y'a pas de prof de rime. Tu vas te noyer dans mon flot, donc pense à prendre ta voile. Sale chien, je crache mon savoir-faire pendant ta voix. S'ils mettent un froid glacial, c'est pas un fait divers. Ces messieurs préfèrent jouer un rôle au détriment du verbe. Je bouffe du MC, si j'ai les gros, tu finis dans mon grec. Joue pas le dealer de terre, t'es qu'un client, tu perds dans mon TX. Stop ton bail tout de suite, si tu veux faire du lourd, lâche une enclume du 10ème étage sur un quart de Schmitt. Mon coco jacques, tes propos falses, auto-victimes sont colossales, mais autant de fois casserait tes homoplates. Plate de bitch, arrête on tape tout Starus. Je sais d'où je viens et qui je suis, je n'en raconte pas plus. Oulala mais qu'est-ce que tu racontes, pose ta plume. T'as pas dormi dehors, pourquoi tu vantes la rue. En plus niveau bécherelle, t'as de grosses lacunes. Arrête ou tu nous prendras pour des couillons tant que ça dure. Oulala mais qu'est-ce que tu racontes, vas-y pose ta plume. T'as pas dormi dehors, pourquoi tu vantes la rue. En plus niveau bécherelle, t'as de grosses lacunes. Arrête ou tu nous prendras pour des couillons tant que ça dure. Ah qu'est-ce que tu ferais pas pour un peu de gloire. Pendant qu'il y a des mecs dehors ou dans les caves qui rappent 10 fois mieux que toi. Et curieusement tu penses pouvoir mettre ta part. Mais avec nous ton jeu d'acteur prend feu comme un coup de briquet dans la paille. À ce qui paraît t'as tout vu, t'as tout fait, t'as tout même dans tes sons. La nouvelle mise tes couplets tous les jours, je me mets à couvert. Tu baves sur la vie des autres, mais tu parles à qui. Moi j'écoute pas les postillons, tu craches quand tu pars à Dream. T'es la star du moment, je m'en fous de prendre une photo. Mon coco, mes rappeurs préférés sont juste mes photos. On m'a dit tes espoirs sont mecs, peu importe tes propos. Tu rentres comme mon père devant sa grille de loto. Genre tu connes la street, tu te la racontes pour te mettre au nord. Mais moi j'ai pas croisé de rappeur quand je dormais dehors. Ouais sur le sol j'ai fait plus d'une sieste. Maintenant que je suis un oiseau de fer, ta pigeonnade est grillée vu la sienne. Qu'est-ce que tu racontes, pose ta plume. T'as pas dormi dehors, pourquoi tu frottes la rue. En plus niveau pécherelle, t'as de grosses lacunes. Arrête ou tu nous prendras pour des couillons tant que ça dure. Oulala mais qu'est-ce que tu racontes, vas-y pose ta plume. T'as pas dormi dehors, pourquoi tu frottes la rue. En plus niveau pécherelle, t'as de grosses lacunes. Arrête. Tu nous prendras pour des couillons quand ça dure. The mic. If you really want, if you really want, if you really want, try what I pour montrer quels sont mes talents. Je n'ai qu'un seul alter, mon stylo levé par mes phalanges. La mélodie est comme ma femme, elle me lâche pas les talons. Mais quand elle n'est pas là, la liste de mes problèmes s'allonge. Comment te dire, tant de choses que je n'ai plus. Combien de fois je me suis dit qu'il faut que je lâche la plume. Mais je rêve, et je rêve encore de marcher sur la lune. Une fois, une flamme, et c'est mon espoir qui l'allume. Je n'aime pas qu'on me dise que je suis censé faire. Dans mon art, nous on dit que l'on est censé taire. Par l'esprit, pas par les armes, par les mots et la prose, libération et la cause. MZ car, car des données par des codés, on sub ces musiques que nous voulons raisonner. R-O-N-D-A, dans une renégate, on fait des gardes, on est soumis, voyez par loin, sur vos des. Et moi j'écris, je suis pour ceux qui comment cherchent le bonheur. La lueur à travers nos actes d'église, c'est la vie. On boire le nectar, en extraire toutes les saveurs. Se battre pour ses pères, aduler son père comme seul pot d'honneur. La musique comme engrais, vouloir y arriver sans pédigrer. Mais les préjugés brisés par mon reflet. Je voudrais que nous le soyons tous à l'unisson. Tous unis, tous sous ce soleil à l'horizon. J'entends d'ici la foule qui hurle et la réclame. Trop d'émotions, mon cœur s'emballe attendre que mon cœur s'enflamme. Plus d'une décennie à tout et à ses charmes. J'ai voué mon inspiration au service de ces gens d'art. MZ car, car des données par des codés. On suit ces musiques que nous voulons raisonner. R-O-N-D-A, dans une renégate, on fait des gardes. On est soumis, voyez par loin, feuillot des codés. MZ car, car des données par des codés. On suit ces musiques que nous voulons raisonner. R-O-N-D-A, dans une renégate, on fait des gardes. On est soumis, voyez par loin, feuillot des codés. Hey, what's up, man? It's your boy Keith the Beast checking in with Street Diamonds on 99.2 FM, Paris, France, from 7 p.m. to 10 p.m. with my boys Talajah, Bandem, and Mac Pyro. Y'all tune in, man. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et après Da Soul, on s'écoute l'homme Audioman. Audioman sous le mic, yo. Swap out, swap out, swap out, swap out, swap out, scan, scan, make your deal. Drop out, swap out, swap out, swap out, swap out, swap out, scan, scan, make your deal. Drop out, swap out, swap out, swap out, swap out, scan, scan, make a deal. Drop out, swap out, swap out, drop out, swap out, drop out. An pi ki pri an pye jazot, lise mwen yon tan mwen, e griti an razon. Pa kriye mwen mon pot, non, mwen go pa fè fot, sa kay pati an bon pot. Trop fois, yo boy côté moi, yo ka fè mwen konprann si sa yo aime son mwen. Trop fois, top même si parle si mwen, tout ça wè ka la si mwen, ego ça commence wè souffler mwen, yo commence pou fi mwen, yo chabise tout fè mwen. Trop même si konprann de ti, ke nou même ke nou kari, c'est messe ka fè kari, fuck yo depuis Paris, master son et shit is gang, ka fuck haters, fuck jalousie. Drop out, swap out, swap out, swap house, swap, house, scan, scan, make your deal. Drop, house, swap, house, swap, house, drop, house, swap, house, scan, scan, make your deal. Drop, house, swap, house, swap, house, drop, house, swap, house, scan, scan, make your deal. Drop, house, swap, house, swap, house, drop, house, swap, house, drop, house. An pa mélange, an tout visa yo. An pa mélange, an tout visa yo. Master son pa ni pon tem, apè de ve yo. Blanc tem gen nou mèm an nou nou jatu de lira yo. An ka descend, ouais. An ka descend, an lo ka pale si mwen. Mè se mwen gen yo bise sam. No man atan, se mwen yo bise atem. Yo se bad gen, an se bad fleng. An teta yo se bang bang. Mèm si zo ka touve tek sa an cheng ten. Alo mèm si an gem la se mwen yo veye ten. Si son mwen ego yo ka tetan yo. Konti ki dem si kot vokal la kapan yo. Drop out, swap out, swap out, drop out, swap out, scan, scan, make your deal. Drop out, swap out, swap out, drop out, swap out, scan, scan, make your deal. Drop out, swap out, swap out, drop out, swap out, scan, scan, make your deal. Drop out, swap out, swap out, drop out, swap out. $99.2 with the rich, the being object. Stack them from the being object. My fancy, you no man. No, the dog, I fresh, I may look up a sick, you papa, I have a new. I fancy you no man. No, to look up a she may know. Look up a day ago. Miss I look up a sick, you papa, I have a new. I fancy you no man. No, to look up a she may know. Regret me, couple qui m'ont amené mes rats. Ça fuck me dog, ready la SPA. Il loue de tout pour ça, yo ben respect là. C'est un fucking loup, I'm a de berger là. Il ca fuck c'est berger là. Il ca fait bête, faut faire retourner ou à clair, j'ai là. Tu es chat, c'est là, yeah. I fuck l'état, take it back. Mental en méta. Si les sexy bitch qu'on école et qu'est-ce pas pris en tête à penser un petit peu, pas forget là. This is the game là, faut qu'on connaît la tête. En mode Jedi, qu'on doit c'est moi qui m'étaille. Nous capoter un gars. Mais ça nous pas vrai, c'est que yo pas fait aïe pour nous. Pas fancy, yo no man. Nous tout nous capoter, j'y mets à nous. Nous capoter un gars. Mais ça nous pas vrai, c'est que yo pas fait aïe pour nous. Débarqué en game la con, hypercute en temps pas, déroulé les tapis, rouge coulé en pax, bis la ka tourne rond, mentalité compasse, nègre savent qu'un nègre a désiré, fuck, bête en 30 ans, Blackberry, BBM, quelques psychopathes contact, wesh baby, pas check me, si tu n'as pas fantao, Arkao la, it's la terre, nous ka attendre nos comebacks, et comme d'hab, défaite. Kage, t'es un fantasme. Top on gas, top punchline, top pression confortable. Gone light, aka, lyric à la totale. Sur ce bob, devant Pogas, rap métis, t'es con panda. Un panny powder, mets deux, trois bombes, pour aïe powder. Mais ça nous cave, c'est que yo, papa, fait aïe pour nous. Pas fancy, yo, no man. Nous tout nous cave, j'y mets à nous. Nous cave, t'es un gars. C'est un moins levé, même si c'est la caisse, nigga. Ça fait besoin d'être dans la place, nigga. C'est de ton temps, yes, skinny en index, nigga. J'ai rien pour flex, nigga. Pour musique, non, ni t'y a science, là. Bah c'est faux, là, ni t'y a méfiance, nigga. Depuis d'avoir là, nous capiter audience, là. Yes, applaudissement, après chaque séance, nigga. Bon, parce que gros, c'est gros, qu'est-ce qu'il y a, boss, yes, fait. Bon, c'est gros, là, sous police, c'est gros, l'œuf, yes, fait. Passe. Fanny pour payer, t'espère. Il casse ta fée à ton blood là. Rien d'extrait. si yo nou man. Nou tout nou ka fè chi me yon nou. Nou ka bote yon gan. Mè sa nou ka wè si yo ka ka fè ya ye ban nou. Pa fan si yo nou man. Nou tout nou ka fè chi me yon nou. An tè tè mwen mè mè ka vin fou. Moi-même, moi, j'habite du barreau. Moi, j'avais que de la même. En panier, on l'autre, même moi, derrière les barreaux. Nous capotez un grand. Mais ça nous capote, c'est que yo, papa, fait aille bon nous. Pas fun si on nous manque. Nous tout nous capote, j'y mets un nous. Nous capotez un grand. Mais ça nous capote, c'est que yo, papa, fait aille bon nous. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On vient de s'écouter Posegum. C'était un morceau avec Dawa, Odioman et Scarla One. On va continuer calmement avec Mano Di Shango, Di Tisme. Le morceau s'appelle Future School. Hip Hop Éloge. Aha. Qui est Mano Di Shango. Dans le cœur avant le bord de noir. Jean-Loup la femme. Sun Clef Fond de Beat. Aha, aha. International. 2012. Y'allez. Gagne tous les pop, nous rentrons en hip-hop. 5ème, 4ème, nouveau G, fini les pif-pop. Songez Joaquin Squad, la formule secret is up. Public enemy, the 911 is jock. On la game Big Cross, c'était avant un Chris Cross. Avant Big L, avant Big Pun, Big is small et Rick Cross. Mountain High Top, fil la troupe, casquette White Sox. Chicago Dot, t'es qu'à porter ses bagos side ups. Yo t'es qu'à crier nous Zulu, nous t'es qu'à beatbox. On commence à gay, drapé, magazine un dos. Partenaire vandal au moins, de la AKA C-Boss. Tous les jours en tête en moins, musique à mon Big Dos. De la même maman qui réellement qui est là. Will Top, technique soignée, texte imagé, qu'on Alfred Hitchcock. On t'es qu'à coûter en boucle, cassette à exos. En ski style, sans j'ai dit moins bouffe, ou non, style top. Rien tous les pop, nous rentrer en hip-hop. Comme elle a des gars, nous adorons hip-hop. Puis faut qu'il gouvernement la crie ta hip-hop. Nous ça qu'à faire gaffe, nous qu'à faire hip-hop. Get tous les pop, nous rentrer en hip-hop. Comme elle a des gars, nous adorons hip-hop. Puis faut qu'il gouvernement la crie ta hip-hop. Nous ça qu'à faire gaffe, nous qu'à faire hip-hop. Belle, même si l'argent là qu'à fuck it up. Bah c'est là qui toujours qu'à support, big up. Bah tous les b-boys qui qu'à break pop, big up. Bah c'est là qui qu'à pen block, pen flop, big up. J'ai la changé. Allez là c'est team watch, team talk. Allez on fax sur des secondes, big force. Mais tous les big force. C'est vos patience pour les ticocs. Y'a pas les sciences, y'a béni cop. VL pilote, y'a pas les codes. Nous aussi t'es qu'à suivre mode. Ah, la vie qu'à dérouler comme au bin code. Veillez au bout pas fin grené, n'ayez à d'un whisky scotch. Veglez à d'un embrouillard à Whitmore. Difficile game, c'est gros beat quoi. Essayez vivre libre. À de la paix, la joie. L'unité et plus love. C'est joué la sapé que nous cop, ça c'est hip hop. Adèle la paix, la joie, l'unité et plus love. C'est joué la sapé que nous cop, ça c'est hip hop. Rien tous les pop, nous rentrer en hip hop. Comme elle a des gars, nous adorons hip hop. Puis faut qu'il gouvernement la grille est à hip hop. Nous ça qu'à faire gaffe, nous gaffe hip hop. Rien tous les pop, nous rentrer en hip hop. Comme elle a des gars, nous adorons hip hop. Puis faut qu'il gouvernement la grille est à hip hop. Nous ça qu'à faire gaffe, nous gaffe hip hop. Elle aime Star G, qui genre à nous la famille. Exos Met Kakola qui genre à nous la famille. DJ Fony qui genre à nous la famille. Doubi Doub 6 qui genre à nous la famille. Piu Pro qui genre à nous la famille. Jamal Finesse qui genre à nous la famille. Mac Flada Voice qui genre à nous la famille. Simbad qui genre à nous la famille. Hip Hop c'est en manière vivre. Les antigènes pas tes gags à les livres. La rire en tes gars de vivre. Voilà tes gags à des griffes. 1978 j'ai des gars sont ici. Nous n'y en plus style. Gaga des squats. Gaga contre mon feeling. Apology Afri man cabine avec textual healing. 2005 back to Guada avec projet album. 2010 des wall les fait qu'à c'est la bonne. Un gars sorti en salle les fait qu'à dire mais au la gars tu qu'à jouer bon caca maintenant jabon. FS allait ou bien garder. Rien pas changé. C'est même équipe là nous pas c'est la FV équipe là si c'était pour chiffre la voix. Faut nous pas perdre même si c'est yo gars gagné. Nous qu'à sa vie ma clap au foot qu'à sa vie là ni moi janvier. Nous n'y en lisez une game qui peut qu'on ferme les yo gars. Kill ko kill bill, nous ka kill si ve belte. Gè tous les pop, nous rentrer en hip hop. Comme elle a des gars, nous adorons hip hop. Qui faut qu'il gouvernement la grille est à hip hop. Nous ça qu'à faire gaffe, nous ka hip hop. Gè tous les pop, nous rentrer en hip hop. Comme elle a des gars, nous adorons hip hop. Qui faut qu'il gouvernement la grille est à hip hop. gouvernement la crié ça il faut. Nous ça qu'a fait gaffe, nous gaffe, il faut. Là c'est nous mêmes qui j'en a nous la famille. Projet de là qui j'en a nous la famille. Café Ebola qui j'en a nous la famille. Atri des Guadnet qui j'en a nous la famille. Mimi et Inès qui j'en a nous la famille. Flop to Timeless qui j'en a nous la famille. Batnik Paco qui j'en a nous la famille. CP4KG, qui j'en a nous la famille. Giga CKD, qui j'en a nous la famille. Maquette AD, qui j'en a nous la famille. La famille Louisville, qui j'en a nous la famille. Mike Sunshine. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Je vous rappelle que Fola est en concert sur Paname. Donc nous on est à la radio, on peut pas y être, mais en tout cas on lui envoie beaucoup de love. Donc vous qui êtes sur Paname, si vous voulez kiffer, ben kiffer Street Diamond. Mais si vous voulez kiffer en live l'homme Fola, je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est lourd, lourd, lourd, lourd. On continue avec l'homme Pink T. Le morceau s'appelle It's Yours. La relève du rap français. J'suis plutôt du genre, réservé des centaines, on parlait pour moi. Ma route est droite et tracée quand d'autres se recherchent et tournoient. Dis-moi combien de mecs se sont là, des appants qu'il fallait s'éclater. Des vautours sont venus dégrader et leur talent s'est dégradé. J'ai suis comme un rookie au gradé, j'en pas moyen de rétrograder. Beaucoup de doigts comme s'ils me font bader, je maîtrise tout leur flow bradé. J'observe ça de loin mais au final je n'emmène pas de large. J'ai autant de recul qu'un Audi alors j'en ai pas de large. Mon truc est simple, faire entendre de l'île au Canada. Sirop tamborito, pain de grec ou c'est pina colada. On me considère comme un élu, je sais juste que tout est prévu. Ma progression est ténue, que la concurrence soit prévue. Mais faut canons et peuvent te faire sauter six classes. Pour faire mon carton je me plains plus qu'une vitre en plexiglas. Voilà pourquoi personne n'aime quand je passe aux travaux pratiques. Car mon flow se démarque du reste comme un homme à la fabrique. Bitch. Franchement mes cheveux saturent avec la propre dîne et mes faces. Depuis que mon tigre est pour le succès et qu'on poste et je m'efface. C'est mes forces d'être incisif pour faire des choses proprement. La France est cool mais je vis outre-Atlantique ainsi qu'outre-Manche. Mon rap ma drogue va faire des gammes et je dois percer avant de canner. Pas pour la gloire ni pour crâner. Disons que j'ai une place à gagner. Je ne fais que rapper toute l'année. Dans l'histoire j'ai tant à gagner. Ce n'est pas pour rien que j'ai ramé. Le plus trop de gens l'ont ramé. À base de ce que tu fais est charmé. Pourtant ça ne marchera jamais. Surtout ne te sens pas offensé. Mais je n'aime pas ton flow en français. Vite la méprise et la traîtrise. C'est pour ça que t'es triste. Dans cette pays j'existe en boîte les mots comme dans tes tristes. Tant que ma Nicole, Marine, mais bon, je ne peux qu'éviter le club et viser le top. Car je sais que ma destinée restera entre mes mains. Depuis que je me sienne la facilité, ne viens plus tenter les miens. Hey. Everything you want, yeah. It's yours, it's yours. Everything you want, yeah. It's yours, it's yours, it's yours. L'album s'appelle Wash Goumé à Vienneg. Star J Exhaust BF Mon. Big force, balle fouet, big force, balle fort. BF Mon. Sinon qui veut tester Bouguet qui dit BF Mon. Rien qui TF man, rien qui TF man. Hey yo, BF, bef. Pas goûter, pas goûter, pas boire. Et si ou pas soif, qu'on nous soif. Si on boutait oxygène, tropical, fresh. Sans pour son soin, son nef. Elle veut plus lyrics qu'il bouge. Chez lui, bat tout le monde. Moi, lague, moi, laissez-moi assouvir, moi. Servir tout clown. Massez yo, fessez yo, fais yo ça. Pas jouer avec grand monde. Cassez au moins. Nous pouvons laisser yo pour son grand monde. Mimi, t'as la yo kati. Imi style, imi chat, chignon, grand gel, ouais, ouais. Mimi, t'as la yo aimé, t'as la yo pas aimé. Mais c'est à la cadre de funny, et on mic, plutôt qui gun, contrôle, parole sans aime ni alcool. Foutez couramment, carrément critiqué. Top pas militant, calmement, on aurait été 4 ans. Sans point en fermitant, gardez-nous à l'air, 4 ans. Tout le monde, je dis, veut savoir qu'à ça veut dire. BF man, ça qui prie, prie, ça qui comprend. BF man, si n'y en qui veut tester, bougie qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, tout le monde, je dis, veut savoir qu'à ça veut dire. BF man, big force, bal frère, big force, bal fort. BF man, si n'y en qui veut tester, bougie qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, bébé le loin et puis go sabo, nous déjà fait gère depuis long time, si vous regardez. BF man, pas la peine expliquer, justifier nos jades, mystifier nos savies, ton bien jade, en Hollande. BF man. Même si t'as gardé trop télé, yo compagne yo aidé par la télé, jouer les séquelles, les affaires à yo mener, nous qu'a fait yo crier, mais des bons sont pas nous qu'a mené, en poche nous paie pas freiner, en poche nous paie pas baisser. Bonjour, qui bat bougon nous, qui bat somme nous, qui bat moun en nous, tout ça qui nous dorme pour le coup, ça, c'est la qui nous force, bon nous on y force sans stop, bah c'est la qui bien force, c'est big fuck, big call choc, on pédophile à Bangkok, c'est les oublis de soins, yo qu'a du bon, ça c'était rien pour compétition, après ça yo qu'a du jeune drogué, pas qu'à faire. Aïe de bon, on y bouti BF non. Tout le monde, je dis, veut savoir qu'à ça veut dire. BF man, ça qui prie, prie, ça qui comprend dit. BF man, si n'y en qui veut tester, pour rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, tout le monde, je dis, veut savoir qu'à ça veut dire. BF man, big force, bal vrai, big force, bal fort. BF man, si n'y en qui veut tester, pour rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, nous grands fait musique sans, nous pétit grand, fille et garçon, c'est mettre pression papa. Nous pas là pour bas mon laisson, pas là pour pas la brise, pas là pour conseiller mais un, pas là pour garder la vie passée, faire les gels en moins. Pas là pour voir peuple à bête fila, manipuler. Pas là pour laisser comprendre que c'est bien nous, que pépiler. L'année a défilé, qu'on masque, qu'il a se passé. Nous lasse, fais-nous assimiler, lasse mon gars assimiler. Pas juger ou pas connaître nous, depuis nous fouiller en tête, rien à foutre. De fait sur l'enchant, tu pourrais faire basket. De pot dictate, dictate, qu'à mettre différents casquettes. En bonne malhonnête, tu m'as fait raquette. Tout le monde, je dis, vais savoir qu'à ça veut dire. BF man, ça qui prie, prie, ça qui comprend dit. BF man, si n'y en qui veut tester, pour rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, tout le monde, je dis, vais savoir qu'à ça veut dire. BF man, big force, bal vrai, big force, bal fort. BF man, si n'y en qui veut tester, pour rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, rien qui dit. BF man, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et avec nous bien sûr en ligne l'homme star J calmement. J'espère que vous avez bien suivi Street Day 19h, 22h sur Radio RGB. C'est comme ça que ça se passe tous les samedis. Street Diamond, 99.2, Rich, the being all legit. Stack girl from the being all legit. Yo, yo, Mr. Starji, what's up? Allô, ça va? Ouais, on est là calmement, bah, on est là justement pour parler de cet album, de cette réédition. Bien sûr. Qui n'est pas des moindres. Merci. Donc Wash Gouma Avieneg, un album Merci. Qui est sorti il y a déjà quelques années, hein, ça fait 10 piges. Et donc là, et là, la réédition, donc déjà pour placer un petit peu, pour donner un petit peu, faire comprendre un peu le contexte aux auditeurs qui nous écoutent, on est en direct, en duplex avec la Guadeloupe, donc c'est là où est Starji, c'est là où, d'où vient la vibe, c'est la vibe qui nous donne aussi, donc quel temps il fait chez toi, fais-nous mal. Il fait beau et pas beau, en fait on a une onde tropicale qui nous passe dessus là, donc il pleut et ensuite il y a le soleil, il pleut et il y a le soleil. Ah bah ça me fait un peu... ça me fait un peu plaisir en fait. C'est un peu le temps qu'on a ici depuis un moment. Oh. Je croyais qu'avec nous on était en galère, mais non, tu participes avec nous. Donc, je rappelle à toutes les personnes qui suivent Street Diamond, vous pouvez écouter Street Diamond sur le 99.2 FM ou sur le www.radio-rgb.net. Donc Wash Gumé Avieneg qui est disponible sur le net, donc vous pouvez aller télécharger, etc., etc. Sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Exactement. En plus, on peut écouter l'album, quoi. On peut écouter l'album sur Deezer, etc. Et ensuite, on peut le télécharger sur tous ces sites-là, iTunes, Deezer, etc., etc. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à je veux le dire franchement, j'invite tout le monde à acheter l'album en entier. Arrêtez d'acheter les morceaux un par un, achetez tout l'album. C'est le conseil que je peux vous donner. Ah ouais, bah c'est vrai que souvent on voit ça en fait, c'est-à-dire que les gens sont en mode on achète un morceau par-ci, un morceau par-là, mais c'est vrai que les gens en fait, le plus souvent ils achètent les singles ou le gros son. C'est la nouvelle technologie. C'est ça, mais ils ne se rendent pas compte en fait que ce sont ces financements-là qui nous permettent de proposer de nouveaux projets, de proposer de nouveaux produits, de nouveaux CD. Et donc franchement, j'invite tout le monde à comprendre que c'est le financement des albums, acheter un album. Donc il est en téléchargement légal, essayez d'acheter le projet en entier. Et si c'est un coup de cœur pour l'artiste, acheter le projet en entier. C'est vraiment ça qui va nous enrichir pour pouvoir vous proposer de nouveaux projets. Quoi. Donc, pour être bien clair, cet album est sorti il y a 10 ans. Pourquoi faire une réédition? Ouais. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'album n'existait pas sur le net, même en pirate. C'est-à-dire que si tu voulais télécharger Stargate Exos, même en peer-to-peer, même sur RapidShare ou je ne sais quel autre, si tu ne pouvais pas le télécharger. Donc, il nous semblait important de pouvoir proposer aux gens qui nous suivent l'album en ligne, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir la première édition, et aussi parce que la première édition, elle est épuisée. Si tu cherches un album de Stargate Exos, même en CD, tu vas galérer, quoi. Ouais, donc, c'est important de se mettre à la page, de faire en sorte que cet album, en cas de blague, franchement, que je trouve classique. Non, mais c'est clair. Je m'auto-congratule, mais je pensais important que les gens puissent accéder à cet album de hip-hop créole. Quoi. C'est une vraie roche dans l'édifice du hip-hop créole avec les autres groupes qui ont fait le hip-hop créole. Quoi. Exactement. Et d'ailleurs, on a posé la question à Exos. On lui a demandé de nos jours que, comme quoi cet album est considéré comme un classique pour les aficionados du hip-hop créole. Et justement, je lui ai demandé comment il vivait l'époque créole, le hip-hop créole à l'époque par rapport à l'hégémonie du rap français et du rap quinri. Et il nous a répondu ça. Avec toute la passion et le cœur à l'ouvrage, quoi. Et avec les frustrations aussi du hip-hop créole, pas forcément accueilli à travers l'Hexagone. Et un peu dans son monde tout seul, de hip-hop créole, avec les gens qui aiment, qui connaissent, et puis les autres, ils s'en foutent. Donc il y avait un peu les deux. La fougue de y arriver, car même s'ils ne comprennent pas, il faut qu'on fasse tout ce qu'on doit, on peut pour qu'ils voient que nous sommes là, qu'on représente Nanani, et avec la frustration qui est un peu le moteur du truc, de le faire, que tu es frustré, qu'on ne te connaît pas, donc tu développes encore plus de fougue à le faire, quoi. Et ça a donné comme résultat cet album qui à la base n'était pas voulu. C'était Stargy qui voulait faire un truc, et puis finalement Stargy, comme je fais les instrus et je rappe, a voulu que je fasse un titre. Marcel a dit ouais, on peut pas faire, tu dois rapper sur tous les morceaux. Et puis je me suis retrouvé à être avec Stargy à faire un album à deux, quoi, et pas un album juste Will Smith and DJ Jazzy Jeff, he's a DJ, I'm the rapper, mais un album, two MC and beats. Donc ça a donné ça. Et le Karaokera Crew, les autres membres du groupe, sont invités sur cet album. Donc il n'y a pas que BF Man ou il y a Kitsisme et Baby G, il y a aussi Dali sur cet album. Il y a aussi Darkman, il y a aussi Jenny, il y a des gens en fait. Il y avait toute la clique sur l'album, il y avait pas mal de monde. Et justement, donc, il reclasse un petit peu le hip-hop créole à l'époque, surtout par rapport à l'hégémonie du rap français. Donc, il y a toujours eu un petit peu ce truc-là, c'est-à-dire que tu essayes de montrer aux autres que toi-même, t'es hip-hop et que tu fais ton truc qui déchire, mais en même temps, ils calculent sans calculer, quoi. Je m'en prie la dernière partie. C'est-à-dire qu'ils calculent sans calculer, c'est-à-dire que par rapport au hip-hop français, ils regardaient pas trop forcément... Et à regarder d'un coin de l'œil, quoi. Bah, c'est-à-dire que j'ai souvent l'impression qu'on a commencé le hip-hop en même temps que la grande vague qui a eu quand Public Enemy est arrivé. Tu vois, quand j'entends Kerry James, l'impression d'avoir découvert Public Enemy en même temps que Terry James et donc d'avoir eu les mêmes influences que toute cette scène du hip-hop français. Donc j'ai toujours ressenti le hip-hop français comme un frère plutôt qu'un papa ou quelqu'un qui nous montre le chemin, parce que c'est vraiment New York qui nous a montré le chemin. Donc en fait, nous on est hip-hop comme toutes les parties du monde ont découvert le hip-hop. Comme la Chine, comme l'Allemagne, comme la Guadeloupe a été touchée par ce mouvement mondial. Donc moi c'est plus K-West One, je dis moi mais ça c'est pareil, c'est plus K-West One, c'est plus Public Enemy, c'était la Soul, Trap World Quest qui avait notre attention. Et les hip-hop français on le regardait comme un frère qui grandit, qui a plus de moyens bien sûr, mais jamais eu un regard vis-à-vis du rap français comme une compétition où il fallait absolument réussir au rap français. Mais le territoire qui nous concerne, c'est la France, puisque nous sommes des partenaires français. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de se faire connaître par le maximum de gens en France, parce que nous sommes des partenaires français. Mais pas forcément ni en compétition, ni en concurrence avec les pop français. Quoi. D'ailleurs, il y a un truc à dire par rapport à cette époque-là, c'est que l'album a été conçu en France. C'est ça. Il a été fait à Saint-Denis, Porte de Paris, t'as vu. Et j'avais adoré un commentaire de Madero, Big Up Madero. Madero m'a dit, mais les gars, vous avez enregistré ça comme si vous étiez à Marigal. Mais on était à Saint-Denis. Je te jure. On avait accumulé tellement de vibes qu'on a tout mis dedans. Et justement, par rapport à cet album, Wash, Gourmet à Vienneg, pourquoi ce nom? Ouais. Alors, Wash, c'est la pierre à l'édifice. Roche, c'est l'âme de l'oppressé. Souvent, dans les situations où il y a un oppresseur ou un oppressé, on va parler par exemple d'un sujet qui est grave pour moi, Israël-Palestine, mais tu verras qu'à une époque, à la télé, tu vois les Palestiniens se défendre avec des roches. Quand tu es un pauvre, quand tu n'as pas de moyens, la roche, c'est souvent ton arme. Quand t'as pas, je veux dire, les Kalachnikov et tout ça, ça coûte cher, les balles, ça coûte cher. Il y a plein de gens qui parlent de gun, mais avoir des balles, en France, c'est dur. Et donc l'arme, c'est Roche. Donc c'est le symbole de l'arme de l'oppressé contre l'oppresseur. Et Gourmet à Vienneg, parce que c'est pour dire dans la tradition dans laquelle nous sommes, il y a Gourmet à Vienneg, c'est une expression qu'on employait souvent quand on était au collège avec l'époque, Feu Gislain. Et c'était notre arme martiale guadeloupéen. GVN. Tu vois, Gourmet à Vienneg, le GVN, c'est l'arme martiale guadeloupéen. Auquel on se rattache, parce qu'on a dans le groupe, on était plusieurs à faire des arts martiaux et on avait défini des techniques, la piste des graines, le bouillie wash, tu vois, c'était des techniques d'arts martiaux guadeloupéens. Donc wash, Gourmet à Vienneg, et Gourmet à Vienneg parce qu'on se revendique guadeloupéen et descendant, on s'en va de nulle part. Il y a des gens qui ont été là avant nous, il y a des gens qui ont porté des choses et on se revendique de ces combats-là. Donc c'est le même combat des anciens que l'on continue avec notre façon de faire, avec notre hip-hop, quoi. Ok. Et je vais demander aussi... C'est long et compliqué, mais il y a du sens. Non, c'est pas compliqué, t'inquiète pas, on comprend bien ce que tu veux dire. Il y avait aussi une question qu'on a posée avec Zos, donc c'était le hip-hop d'hier et d'aujourd'hui, et voilà ce qu'il nous a répondu. Le hip-hop a pris une tournure super commerciale, bling-bling. Mais depuis des années, hein, pas depuis 2013. Et le rap de le hip-hop de Wash, Gourmet à Vienneg, Stargy, Exos reste pour certains old school. Pour d'autres sont classiques, c'est-à-dire indémodables. Et après, il y en a d'autres qui restent insensibles au rap, quoi qu'il en soit, malgré le fait qu'ils en entendent tous les jours à la radio, et qu'ils en ont dans les pubs et qu'ils en ont partout. Donc là, je vais dire le contexte le plus délicat, c'est que tu n'es plus à l'ère du hip-hop, tu es à l'ère de la pop. Et il y en a beaucoup qui rappent et il y en a peu qui sont hip-hop. Donc ce sont des valeurs dans le hip-hop qui restent toujours universelles, de peace, love and having fun, des valeurs de graffiti, de danse, de beat, de MC, tout ça, d'art de la rime. Qui restent les choses qui vont toujours marcher parce que c'est universel. Donc même si ça va prendre une forme pop, mais si un texte est bien écrit, ben il va briller par rapport à d'autres. Et si une musique est géniale et brillantissime, elle va toujours shine par rapport à d'autres qui sont juste des trucs de l'instant, quoi. Et justement toi Stargy, par rapport à cette génération que tu vois évoluer, Toi, comment tu sens? Parce qu'on a vu cette conversation, on s'était vu, on avait discuté de ça. Et comment tu vois la transmission du hip-hop créole par rapport à cette génération qui vient et qui prend le mic? Il y avait monté. Ouais, alors attends, je vais faire une précision déjà, parce que c'est une interview de Star Wars Exos, mais Exos étant en France, il a dû enregistrer sa voix là-bas. Ouais, ça aussi c'est important à dire. Pour que les gens le comprennent. Mais non, donc en fait, il y a une époque, j'avais plein de théories, mais aujourd'hui, j'essaie justement de ne pas juger. C'est-à-dire que chaque personne essaye d'être un exemple. Et si les jeunes se reconnaissent dans cet exemple-là et qu'ils suivent la voie, tant mieux. S'ils ne la suivent pas, c'est qu'ils ont eu d'autres exemples qu'ils ont préféré suivre. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a une seule chose, moi, qui me tient à cœur. C'est que le hip-hop d'où je viens était divers, c'était varié, c'était diversifié. Et qu'aujourd'hui, c'est juste ça que j'aimerais qu'on garde. Qu'on garde à l'esprit qu'à une époque, il y avait du gangsta rap, il y a toujours du gangsta rap. À une époque, il y avait du rap cool, il y avait du rap jazz, il y avait du rap hard, il y avait de l'eau encore aussi, c'était du rap avec des métaphores très gore. Mais il y avait tout ça en même temps et tout le monde avait sa part. Aujourd'hui, et c'est la société de consommation, c'est pas seulement la jeune génération, la société de consommation veut te faire croire que c'est ça qui est à la mode et rien d'autre. C'est ça qu'il faut manger et rien d'autre. C'est ça qu'il faut regarder et rien d'autre. Donc moi, c'est pas des jeunes. Les jeunes qui nous suivent, big up, je pense à Nyoka, je pense à Stizi, je pense à OD2H, je pense aussi à d'autres groupes, je pense à Hip Hop Bokaz, La Gâchette, Anno, Akuchi, tu vois, toutes ces personnes qui, pour moi, j'ai l'impression qu'ils suivent un chemin qu'on a commencé à tracer. Il y a toute une autre série de personnes qui suivent d'autres chemins tracés par d'autres, mais que je big up aussi. Franchement, je ne me mets pas en opposition avec ce qui se fait aujourd'hui et ce qu'on faisait avant. La seule chose, je le répète, c'est la diversité et être original. Arrêtez de copier, arrêtez de... Si un gars arrive avec un style, c'est qu'il t'a prouvé qu'il a réussi à être lui-même. Et bien, toi aussi, sois toi-même aujourd'hui. C'est la seule chose que j'ai à dire sur aux jeunes générations. Donc tout à l'heure, j'ai bien aimé l'interview, enfin la partie de Exos qui nous disait qu'en fait, cet album, ça a commencé comme si Exos te donnait un beat par-ci, par-là, et en fait, toi, tu lui as dit, mais non, mec, exact. En fait, faut que tu participes, c'est quoi ces histoires? c'est exactement comme ça. En fait, j'étais à Bordeaux à l'époque, et je montais chez Exos à Paris, et moi je suis le lyriciste de nous deux et lui c'est le beatmaker. C'est-à-dire tous les deux on écrit, tous les deux on fait des beats, tous les deux on fait des rythmes. Ok, on fait des instrus. Sauf que Exos est vraiment fort en instru. Et moi j'étais vraiment le MC, le gars qui prend le mic sur scène dans toutes les conditions. Donc moi j'ai toujours voulu faire un album Star J, etc. comme Fresh Prince et DJ Zazie Jeff. C'est-à-dire un rappeur, un beatmaker. Sauf que Exos a toujours le même concept. Donc on est arrivé un jour, je fais l'album, tout ça, je mets mes titres, je choisis les instrus. À l'époque, on avait pris un appartement ensemble pour faire l'album. Et il me dit, bon, j'ai tel concept là, il s'appelle Roche. Voilà l'instru. Je dis, mais c'est dis-moi ça. Ok, on fait le son. Ensuite, il me dit, j'ai tel concept là, l'aide des jeunes. Je fais, mais c'est dingue ça. Allez, on prend ça. Ensuite, il me dit, j'ai tel concept là, si vous savez, je fais, mais c'est génial ça. On met ça. Après un jour, il rentre. Il avait une galère dans le métro, il avait envie de crier dans le métro, big fuck man. Et il ne pouvait pas crier ça dans le métro, donc le gars, il a regardé, yes man. Et il est rentré à Cannes, tout le groupe a repris l'expression. Et on se retrouve à devoir faire un son de groupe, on a dit, on fait yes man en fait. Au fur et à mesure qu'on faisait les morceaux, on s'est rendu compte que la présence d'Exos au mic était incontournable. Quoi. C'était incontournable. Donc on se retrouve à faire l'album comme ça. Mais au départ, je voulais faire un album à tout prix. Ok, et justement, on a la version de Exos aussi sur le morceau BF Man. Il m'a bien fait rire quand il m'a expliqué l'histoire. Écoutez ça. BF Man est venu de galère dans le métro à Paris, de fraude. Et on a sorti une expression. C'était qui? C'est moi et un camarade, Sinbad. On disait BF pour pas dire Big Fuck dans le métro. parce que à force d'insulter tout ça, de rouspéter dans la barbe sur le contrôleur, dans les couloirs, tout ça, on a tout le temps des expressions nouvelles dans nos bouches. Et on disait beaucoup big fuck man, ouais, big fuck man, comme des requins. Et un jour, il y avait une dame d'un âge certain qui devait être anglaise, qui était juste à côté de nous, qui a été très choquée par le big fuck man, tu vois. On s'est dit non, on peut pas dire big fuck comme ça. C'est vrai que, ouais, c'est vrai, on n'est pas en Guadala, on est à Paris, il peut y avoir les Espagnols, les Anglais, les Allemands, et les gens, ils comprennent peut-être tout. Donc on s'est dit BF. Abréviation de Big Fuck, et ça a tourné en des mecs de mon crew qui sont en train d'écrire un texte BF Man, pardon. Ça a tourné en des mecs de mon crew en train d'écrire un texte BF Man, sans moi. Et moi qui leur dis, quoi? Vous avez repris mon expression? Vous faites un texte, vous faites un tune avec mon expression? Non, non, non, les mecs, moi je fais les lyrics. Et après, je vais vous inviter. Et donc, ça a donné BF Man qui a Stargy et moi, mais BBG aussi et Tismé. Et il devait en avoir plus d'ailleurs. En plus de ça, normalement, il aurait dû avoir plus de personnes sur le morceau. Oui, c'est clair. C'était vraiment un pussy cut, comme ils disent en anglais. Quoi. C'était vraiment ça, le pussy et tout ça. Mais j'avais jamais oublié que effectivement on avait commencé à faire le son sans lui. on avait trouvé l'expression tellement dingue qu'on avait commencé à faire le son sans lui, effectivement. Mais le beat aussi, c'est le beat pour moi de BF Man, c'est le début de leur caco, quoi. C'est-à-dire que le sample, j'ai pas trop envie de le dire parce que si les. Bref, je le dirais pas, mais bon, on a samplé des gens. et c'est on a samplé dans la Caraïbe, quoi. Et la rythmique, si on voit bien, c'est une rythmique chaloupée, tout. Et ça, c'est déjà le début d'un style qu'on a développé depuis, quoi. Et justement, par rapport à ce style, il y a aussi quelque chose qui revient régulièrement dans le Karukara Crew, c'est la nature. C'est-à-dire, comme sujet, mm-hmm. comme thème, il y a cette approche face ouais. à la nature. On le retrouve aussi dans les clips, on le retrouve ouais. aussi dans une philosophie. Donc, est-ce que toi, tu peux nous parler de ça? Ben, en fait, il y a un ami, Fabrice Devaël, qui nous a dit que nous sommes le premier groupe de rap écologique. C'est-à-dire que on aime tous aller à la rivière, se poser. Pour ceux qui fument, je ne fais pas la promotion de la fumette, je ne fume pas. Mais il y en a qui aiment se retrouver dans un espace particulier pour méditer et avoir des pratiques méditatives. Nous sommes sensibles à ça, c'est-à-dire on vient de la ville, on est tous de la grande majorité de Pointe-à-Pitre, mais on a toujours eu l'habitude de s'exiler à Sainte-Rose, de s'exiler à Goyave, de s'exiler à Petit-Bourg, dans des endroits où tu t'immerges vraiment dans la nature, et cette nature guadeloupéenne est une plus-value, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en Guadeloupe que beaucoup de gens dans le reste du monde n'ont pas. On a la grande terre qui est plate avec de belles plages de sable blanc, et on a la basse terre qui est riche en verdure et tout ça. Et quand tu vois comment on essaie de t'imposer des modèles, des systèmes de cités de béton qui ne prennent pas en compte toute cette diversité-là, quand tu es un MC, normalement, tu milites. Et on a développé naturellement ce thème-là. C'est vraiment pas une démarche. On va faire du rap comme ça, mais ça reste une démarche. On va défendre ce qui est guadeloupéen. Et la terre, c'est guadeloupéen. On la défend. Et ce qui a inspiré aussi beaucoup ce thème-là, c'est étrange, c'est la musique d'Exos. C'est-à-dire, quand j'étais en Guadeloupe, Exos, c'était déjà parti en France, il m'envoyait des petites tapes. Et il avait une musique que j'ai toujours trouvée, on appelait ça à l'époque des cannibales style, quoi. Ça fait vraiment tribal, ça fait vraiment nation. Et naturellement, le flow est venu dessus, quoi. Mais on est militant pour la Guadeloupe dans toutes ses formes, en fait. Ouais, mais c'est ce que je vois. Exos nous a répondu la même chose. À croire que vous êtes téléphoné avant. Non, man. Non, là, je t'embête. Exos a dit ça. Nous avons juste un concept qui s'appelle Scientific et qui est le titre d'ailleurs de l'album d'un des membres du crew, Tismé, alias Mano Dishango. Et c'était toujours une idée d'être un peu comme un alliage, une fusion, mais d'être des scientifiques du Zion dans le sens positif. En plus, je crois que vous étiez tous en classe S. Oui, on a tous fait des études scientifiques. A priori, tous les membres principaux du groupe, Et, mais je tiens à le dire, nous ne sommes pas nés à la campagne. Nous sommes des enfants de la ville, de Pointe-à-Pitre, du bitume, des buildings et des caniveaux. Donc si tu veux, la nature, elle... Comment elle est venue à vous? Ben, parce que c'est la Guadeloupe déjà. La nature, même si tu habites en ville, tu ne peux pas la rater. Et par un besoin et un bon sens. C'est-à-dire le besoin de la nature, peut-être ceux qui sont naissent dedans la fuient, mais ceux qui ne l'ont pas la recherchent. C'est un concept du sakini dans panier noisette. Donc quand tu nais dans la ville et que tu en as marre de la crasse et des caniveaux, ben, tu recherches la pureté, le bien-être, le vent, le soleil, les arbres, la rivière et la nature. Et en Guadeloupe, il y a ça à profusion. Donc si tu vas en grandissant, c'est devenu un peu normal dans nos propos du karaoke raccrou et assez intelligemment de se dire que le salut de l'homme, c'est la nature, quoi. Mmh. Que c'est de là qu'on vient. Donc c'est pas une époque où l'écologie est à la mode, quoi. C'est pas vraiment ça. C'est plus à une époque où la pollution est déjà de trop. Mmh. Donc naturellement, Menati allait avec ça. Quand tu as fait tes études à Bordeaux ou à Paris, tu reviens en Guadeloupe, eh ben, c'est ça que tu vois. C'est ça que tu vois, mis à part les gens que tu aimes, les chemins, les boîtes ou les machins, c'est ça que tu vois, que tu es content de retrouver l'eau de Guadeloupe, Martinique, peu importe, de retrouver de l'eau dans ton robinet qui a l'air limpide sur ton corps, de l'eau dans la rivière qui a l'air limpide, et à la mer, de l'eau qui te guérit. Tu es content de retrouver ça. Donc Menati, tu vois, ça allait un peu dans cet esprit, quoi. Ça, le morceau a été écrit en 1998, en fait. Okay. Stargy le dit souvent dans des interviews et tout. Il a été refait et il est sorti sur l'album de Stargy Exhaust en 2002. Donc c'est un morceau auquel on a toujours tenu. Et dans 2013, il fait partie du même album, forcément. Donc, comme on le disait avant... Effectivement, moi je suis un peu d'accord avec ça, c'est-à-dire que vous êtes l'un des premiers groupes de rap écologique et tout le monde suit vraiment, vraiment ce truc-là. On sent que ça vous tient à cœur en tout cas, que ce soit par le concept scientifique ou que ce soit par bribes, que ce soit par morceaux. En tout cas, il y a toujours un message par rapport à la nature. Moi, il y a un morceau, je voudrais parler d'un morceau. Donc, ce morceau s'appelle... Mettre son Amoula, oui. Ah, oui. Mais avant de parler de ce morceau-là, on est obligé de l'écouter, t'es d'accord avec moi? Oui, ah ouais, il faut. Donc, on va, vas-y, je te laisse introduire le morceau, je te laisse, c'est toi le MC. Ben, oui. Oh, ouais, j'ai une seule expression qui va avec. Oui, mettre son Amoula, BBG, Etinho, Dali, Darkman, Starchy, Exhaust, CR. DJ met son moula si on veut pas attraper trois balles. Avant peuple chien, on shoot le robot de football. Creole people, exhaust tu fais dit. Tous les métiers qui déchèlent et qui défait du Guadalada. Madilina, dans ce mec là, puis moi c'est basse là. Et grito, on se là. Dans nous là pour nous écraser ce mec là. Fout nous là, sponsor gas. Café bon feeling, on l'en met place là. Ça enflaye, c'est excité. Les jeunes filles de ma famille, même c'est pétasse là. Franchement, va t'es français, c'est qu'à franchir. On joue fantastique, c'est nous qui est franchi. Ah c'est Mikey, bah ta technique, électrique, façon Harry. A pas manquer de tout, capitaine la vie nous offre. Petit, des bandits, patini, philosophe à la bandit. Pony, wada, ce mec là obligé descendre, me da. Il t'a fait qu'à les caboulés, tout trada. Wada, mada, wada, bada, da, da. Musique, énergie, pour mental, con physique, pélage. J'y flow, hémorragie, vie la popo, la PJ. Vie la régie, vie au consa, au c'est son la talaka. Agis, si tête, pas fait coffre, on paquet à magie. Mais ça mouna, oui, c'est quoi là? On a les gars, casse qui là? Nega grosso, nega groca, nega groca. Les nègres couchants, capons grosso, nous nègres sont chauds. C'est nègres la loco. Et c'est les nègres, les nègres, ça pour fin. C'est gros fer, capons, c'est gros gel, c'est métal. Mais les gros, négro, à gros, trop pas fin. Pas qu'à faire gros, son modo. Pas qu'à faire passer. et homoto. Gaï la bonne à bozo, vrétesse, le nègre gozo. Nous gaille bête, vous comptez vos bozo. Le ramasser ou un petit morceau, faut pas y mollo polo. Oh la oube, oube, allez, si nous. Bah nous fait musique, c'est la que boum boum. Un joyau, un petit bien trompette, tom tom. Bolo en couaillot, gardez on sans la choquer en boum boum, kabatouyo. On nous pousse au crêpe, boum boum, et pour les bonbons. C'est les joyaux, mais nous pas joyaux. Passe, c'est les noyaux. Faillot, gale chez pied aïe, fort tout qui paille, planète bataille. Why? Why? Why? Why? Why? Everybody bounce, everybody bounce, everybody bounce. I think I feel been once. Everybody bounce, everybody bounce, everybody bounce. La honte a fait been once. Yes, qui part très certain, l'air ou vaincu. Qui l'aiguille, calme, faut le flow. C'est ce qui m'entend, rapide flow. Après, fait tout qu'on a réagi. Bam, bam, ça magie. Ninja, mind, j'ai pas gagné, c'est qu'à couler. La rouge est vite un chic à brûler. Les différents sexes, c'est qu'à rimer. Les différents bonnets, qu'elle qui met. Après, fumé, yo, con cigario. Allez, là, ça prend les bons négoces. Garçon, dis-moi, qui roule, qui bosse. La cassée, qu'à passer, même celle-là, va qu'à repousser. Ma sauce, c'est fou, fait nous, c'est des fatifs qui m'a poussé. Nous bois ça saut et là, pour là c'est fort, quand là c'est peut-être pour ça, dit tout ça, dit bien qu'à bouillir le son là. Si moi qui bouge là, c'est des ARK, de la café, les arbres forts, bah si un celui-là. Nous chouin c'est fou l'en fou là, fin de CFR, c'est nous là. Attends d'ailleurs, pas du moyen, si j'ai mes son à moula. Mes son à moula, oui c'est voilà, on a les gars, quand c'est qu'il a. Man, it's your boy Keith the Beast checking in with Street Diamonds on 99.2 FM. Paris, France, from 7 p.m. to 10 p.m. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et là, on est accompagné de l'homme Star J. Star J, tu vas bien? Yeah. Toujours dans le building. Oui, impeccable. On parlait justement de ce morceau-là avec Exos et voilà ce qu'il nous a dit. D'ailleurs, ce morceau a une vraie histoire. C'est un son qui a une sacrée histoire, quoi. Parce que... à la base, c'était un titre fait pour une mixtape chronique de Guada qui devait être organisée par Imhotep. Imhotep, je n'ai pas besoin de faire un dessin, c'est le concepteur son d'Ayam, avec le papy, comme il l'appelle, mais super talentueux. Et déjà au cinquième album, à l'époque où ça s'était passé, et nous, nous habitions tous à Paris, mais c'est encore en 2001, et à Galieni, le frère d'Imhotep, à qui j'envoie un big up, Luc. C'était un mec que je connaissais en Guadeloupe depuis les années 90. Et quand je suis venu en France en 2001, ben j'ai appris qu'il y avait une mixtape qui s'organisait, qui suivait Chronique de Mars, qui était une compile sortie par Imhotep, et qui était une suite de ce concept, mais Chronique de Guada. Donc il y a eu plein de gens qui ont participé aux enregistrements de cette mixtape, qui n'est finalement sortie que... plein de temps après, mais en travers, en cassette, quelques exemplaires en CD, tout le monde n'a pas eu, il n'y a pas eu de publicité, puis il y a eu, finalement Imhotep ne pouvait pas mettre son nom, parce qu'il a son contrat l'empêchait de faire une mixtape, donc ça a tourné en sucette, et nous qui avions posé sur un titre d'Imhotep qui faisait, on était frustrés parce qu'on avait fait un titre avec la Horde Noire et Karakurakou mélangé et on n'était même pas capable de le présenter aux gens. Donc quand on est venu pour faire l'album de Roche ou Mavieneg, j'ai refait un rythme entier qui ressemble à celui d'Imhotep juste pour y insérer les acapella de tous les six mecs ou un truc comme ça et que ça soit sur le projet, que les mecs soient prévenus qu'on a fait un remix de leur instru. C'est pas un sample de leur instru... etc. Mais c'est un instru qui a le même beat et qui a les mêmes mecs qui font les mêmes couplets. Donc nous, sur cet album, on a aucun d'entre nous n'a rappé sur ce beat là. Ok. Voilà, imagine un secret du son. C'est quand même frustrant de voir que quelque part Star J, que on arrive, on fait des sons, on fait des collaborations avec des personnes éminentes du hip-hop. Et que voir au final que la notoriété qu'on reçoit sur sa propre île n'est pas forcément celle qu'on espérait. Ou qu'on espère. Ben, ouais, mais tu sais, c'est marrant que tu me dis ça parce que ça aurait été il y a 10 ans, ça, j'aurais été sensible à ça. Mais aujourd'hui, tellement de bruit passé sous les ponts, tellement de choses sont passées que c'est derrière moi tout ça. Ouais. C'est entre ce que tu espérais avoir, ce que tu as reçu vraiment. Moi, je sais que Stardew Exhaust a inspiré vraiment beaucoup de personnes. Et ces personnes nous ont fait des retours, même 10 ans après, et c'est la meilleure récompense, quoi, et ça me convient. J'ai fini de cacher ma tête sur ça maintenant, sincèrement. Bah oui, surtout. Maintenant, je fais de la musique et je la propose aux gens, c'est tout ce qui m'intéresse. D'ailleurs, il y a la mixtape, l'acheter en exclusivité sur RGP. Là, on va sortir la mixtape, la Roche Tape, pour accompagner, c'est-à-dire qu'on a un album payant, on a décidé de donner aussi à ceux qui nous supportent, à ceux qui nous suivent, une mixtape gratuite, cette inédite de Stardew Exhaust. Ah donc bon? Qui va arriver, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, Stardew sur Facebook et Twitter, Exhaust Metcacola sur Facebook et Twitter, et la Roche Tape arrive bientôt, c'est pour récompenser les gens qui nous ont soutenus, et avec des inédits Stardew Exhaust. Bah. Donc je l'annonce en exclusivité, j'ai toujours pas communiqué dessus, mais ça arrive là, d'ici 10 jours. Quoi. Donc vous ajoutez sur Facebook, vous allez vous taper Stargis, Stargie, excusez-moi, j'allais dire en quinri. Donc J-E-E, ouais. Ou sinon vous tapez Exhaust, donc E-X-X-O-S, Metcacola, M-E-T, Metcacola, comme ça s'écrit mon cher. Hein. Donc voilà, vous allez retrouver ça. Et sinon, en ce qui concerne une sortie physique, ça c'est pas prévu. C'est vraiment que du... Alors oui, non, je l'ai prévu, hein. Je l'avais vraiment prévu. Parce que à chaque spectacle, je te dirais, on a déjà fait pas mal de scènes, on a fait Pas d'Irome, on a fait Mexico Hip Hop Creole, on a fait Zion Civic, on a fait mais Roche Roumaginé, c'est l'album qu'on me demande le plus. Bah oui, j'imagine. Tu vois, c'est-à-dire que dès qu'on a fait un show, il y a un soir, je savais que c'était tellement demandé que j'ai fait des CD gravés, j'ai vendu plus de CD gravés que de CD sorti d'usine. Parce que j'avais de la demande. Donc en fait, j'espère faire un présage, mais je le dis encore une fois, le transport Paris-Guadeloupe, c'est l'une des plus belles arnaques qu'on a inventées pour les Antilles. C'est clair. Ça coûte cher. Et donc c'est vraiment un dilemme entre la quantité d'argent qu'il faut mettre pour faire les CD arrivés en Guadeloupe, c'est vraiment un dilemme. Mais normalement, mon souhait, ce serait de faire la version pressée pour août. Donc je me bats pour faire sortir ça en août, quoi. Ok. En tout cas, tu sais déjà que t'as mon CD réservé là-dedans tranquillement. Ça, c'est clair, net et précis. C'est clair. Et donc toi, maintenant, par rapport à la réédition et à ces sorties-là, quel est ton ressenti? C'est-à-dire que maintenant, ça fait un petit moment, quelques semaines que l'album est ressorti. Donc quel est ton ressenti par rapport aux gens, au retour que tu as? Ben, j'ai deux ressentis. Le premier, c'est que beaucoup, ceux qui ont eu l'occasion de l'écouter sont très contents de l'avoir. Je me souviens, Mali avait mis comme commentaire que ça lui a donné envie de racheter l'album, alors qu'il l'a déjà. Et tu vois, je pense à DJ Doz, qui n'avait pas eu à l'époque, ben, il a pu l'avoir. Et ça fait qu'on a toutes ces personnes qui voulaient l'album, qui ont enfin pu l'avoir. Ensuite, la deuxième impression, c'est que Internet, c'est un mirage. C'est-à-dire que tu crois que tu touches plein de gens avec Internet, mais finalement, je me rends compte que le bouche-à-oreille, rencontrer les gens, les spectacles, pour nous, ça reste le meilleur moyen. Parce que je pour parler clairement, quand je vois les vues, le nombre de milliers de vues de certains artistes, tu te dis, waouh, des clips à 200 000 vues, ben, quand ils mettent quelque chose sur le net, ben, forcément, ils ont un 50 000 personnes sur la France qui les suit. Mais comme nous, tu vois nos scores de vues, tu vois nos nombres d'amis sur Twitter, nos nombres de followers sur Twitter, c'est pas le net qui va nous faire avoir une assez grande diffusion. Tu vois, et c'est ça le sentiment que j'ai. Je me dis, encore une fois, malgré les nouvelles technologies, il n'y a pas assez de personnes qui entendent parler de ce qu'on fait. Exactement, et d'ailleurs c'est vraiment là où il y a un travail à faire, quoi, pour nous. C'est qu'on est dans un petit marché, parce qu'on ne fait pas du hip-hop dansant à laquelle on n'est pas dans les messages bateaux, on a des lyrics que certains trouvent compliqués. Moi, j'ai vu des gens me dire que nos lyrics sont compliqués, que certains, tu vois. Mais on a toujours le même problème. Plus de gens devraient nous suivre, plus de gens nous écouter, parce qu'on est sûr de pouvoir plaire à plus de personnes que les simples personnes qu'on a maintenant, quoi. Je vais dire quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui ont des 50 000 vues, 200 000 vues, mais à leur concert, il n'y a personne. Hein. Il n'y a pas foule. Donc, tu sais, de temps en temps, les vues aussi, c'est très aléatoire. Et comme tu dis, ça fait aussi partie du mirage d'Internet. Et de temps en temps, il y a des personnes qui font un vrai travail auprès de leurs fans et qui ont peut-être 2000 vues, mais les 2000 personnes, elles viennent au concert, tu vois. Et ça, c'est un truc vraiment qu'il faut dire. C'est vrai qu'il faut travailler, il faut avoir de la vision, c'est clair, mais les vues ne justifient rien, quoi. C'est-à-dire que il n'y a que la qualité qui paye. Et la preuve, c'est que 10 ans après, vous avez ressorti un projet. 10 ans après, le projet tient encore la route. 10 ans après, on a mis Woyla, on a mis BFMon. Et voilà, c'est encore des sonorités qui nous parlent. Donc, c'est la preuve. Ah, là, je t'avoue que je suis vraiment fier de ça. Je suis vraiment fier. Et on l'a vraiment pensé comme ça. Ça s'appelle Roche parce que c'est solide. On a vraiment fait un projet qui est, on s'en foutait de la mode. On était vraiment dans poser l'album pour qu'il dure éternellement, entre guillemets, quoi. Comme un classique de jazz, comme un classique de zouk. Il faut que les gens puissent avoir du plaisir à réécouter. Il n'est pas parfait, c'est pas un album parfait, il y a des imperfections, mais il est vraiment complet et il tient la route. Je suis dans 10 ans encore, on pourra l'écouter, sincèrement. Et il y a une vraie fierté, cet album. Et bien sûr, nous, comme on aime rigoler, Yen Exo, c'est une question pour toi. Alors, première question, qu'est-ce que t'aurais fait, hein, gros, si le premier album de Sergi Exos il a fait un carton financier, alors qu'est-ce que t'aurais fait après? Est-ce que t'aurais acheté un paquebot, fait un autre album, quoi? Vas-y, dis-moi. À toi de répondre. Ah, elle est bonne celle-là, mais la réponse il la connaît. Moi j'ai toujours dit... J'avais aimé cette rime de L.I.M. sur l'album de Booba. On réinvestit dans le hip-hop, c'est à tous les coups. Si je fais un gros canton, moi je réinvestis dans le hip-hop, je réinvestis dans la musique, direct. Ça, là, je me pose même pas la question. Sauf que je choisis un plus gros studio et je me mets Walls. Et j'invite le maximum de personnes. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, on t'a vu participer à pas mal de choses. On t'a vu faire des trucs avec Lion Art. On t'a vu jouer l'acteur dans des clips aussi, comme avec Ridla. Oui. Donc, maintenant, tu es un mec multicasquette. Ben, tu sais, je suis sûr qu'Exo te dit la même chose. On est hip-hop jusqu'à la moelle épinière. Le hip-hop, c'est faire avec ce que tu as. Et le hip-hop t'apprend à ne pas te plaindre. Et que si tu veux un truc, tu vas le chercher. Si demain, là, je suis en train, pour la première fois, d'essayer de monter un clip vidéo, ben, je suis en train d'apprendre. Tu vas ouvrir un bouquin. Tu vas chercher à comprendre, tu vas rencontrer des gens et tu vas le faire. Et c'est ça, être hip-hop, si tu fais avec ce que tu as et tu le transformes. Et là, Master P disait pareil, que lui, quand il a besoin, il a monté son business, c'était ghetto, mais il s'assoit dans une bibliothèque pour apprendre et comprendre un truc. Tu vois, et c'est ça en fait. Peu importe l'action, l'activité qu'on en a, c'est toujours la même mentalité hip-hop que l'on a. C'est toujours la même liberté d'esprit de te dire que tu peux réussir tout ce que tu entreprends. Tu peux, si tu as un objectif, tu te fixes et tu vas sauter toutes les barrières pour l'atteindre. Donc moi j'avoue que être acteur c'est un truc pour moi. Moi je suis un clown, hein, franchement. Je suis enseignant, mais dans ma classe c'est moi le plus bordélique, quoi. Je suis le bordéleur de ma classe, moi. Et c'est quelque chose qu'on a envie de montrer aux gens à l'écran. Dupsis, c'est l'un des meilleurs acteurs que je connaisse. Dupsis, on peut le voir dans les marrons. Dupsis, il est lourd. Dupsis, c'est l'un des meilleurs acteurs que je connaisse. Et donc la suite, c'est ça. Mais là encore, je me rends compte qu'on a réussi à être autodidacte dans la musique, mais dans la vidéo, c'est un autre level, Tismal. Ça demande tellement plus d'argent, tellement plus de moyens. Mais bon, pas fun. Big up à Jean-Luc Stanislas, c'est notre réalisateur principal. Big up à Steve Caso, big up au frère de l'image, big up à Benke, big up à Ronald, a.k.a. Frédéric Rancé, big up tous les gens dans la vidéo, big up Gary Ouillard, BBG, tous les gens de l'image, big up Jeunesse en Mouvement aussi qui nous suit depuis le début. Voilà, c'est la Noukaï. Avant de te poser les dernières questions, est-ce que tu veux écouter encore un morceau, faire écouter au public? Je veux bien aimer qu'ils écoutent l'inédit, Gouma Vieneg. Voilà, et tu peux nous parler justement de ce morceau-là? Alors, Gouma Vieneg, c'est. Comment dirais-je? C'est vraiment une façon de boucler la boucle. l'album commence par, le premier morceau de l'album c'est Roche, et on se disait quel titre on pouvait proposer aux personnes qui vont acheter la réédition. Ça, je profite pour dire aussi pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le remix, pourquoi est-ce qu'on n'a pas remixé l'album. C'est qu'on s'est rendu compte très tôt que les gens ils te disent ouais on connaît Star Jesus, ouais on connaît l'album, et quand tu leur dis quel morceau tu connais, ils connaissent que BF Mon. Donc on s'est dit il faut leur redonner le même album parce qu'ils n'en ont pas assez profité. Yeah. Et Gouma Guineg, c'était une façon de bien fermer la boucle, de dire où on va aussi, parce que quand tu écoutes les textes, c'est toujours le même combat. Et c'est un combat qu'on va continuer à mener. Et c'était aussi mettre Kibi et McFly qui bouge avec nous, histoire d'avoir le panel de toutes les personnes qui nous accompagnent sur cet album, quoi. Et c'est que ça l'esprit, comme d'hab, hein. Et on sait, moi je connais McFly parce qu'on connaît McFly dans l'hip-hop créole. On connaît ses lyrics, on connaît ses sons, on sait que son album va sortir, si Dieu veut, oui, en 2013. Hein, et que c'est en prépa, j'ai entendu des morceaux, franchement, le mec, il a mis la barre plus haute, hein. Il a mis la barre plus haute, il a bossé. Mais qui est Kilby? Peux-tu nous parler de lui? Professeur Kibiski. Kibiski, c'est en fait quand on s'est installé, on a installé notre studio à Louisine Mathieu, à Louisine, et Kibi habite Louisine. Kibi, comment décrire? Déjà Kibi, il revient parce qu'on a vraiment fait plein de sons avec lui. Donc vous pouvez vraiment le voir en image dans les 3 mois qui viennent. C'est un débrouillard, son bougement en allo qui atterrit carénage. Et monsieur débrouillard, généreux, et les gens qui sont dans la même vibe que nous, on se connecte très facilement. Donc si tu bouges avec Exos en Guadeloupe, tu vas voir Kibi très vite. Kibiski, c'est professeur Kibiski. T'inquiète. Donc l'album s'appelle Wash Goumé à Vieneg, et là on s'écoute le morceau Goumé à Vieneg. C'est juste le morceau exclu de la réédition de l'album de Starji et Exo. Sur ce morceau, il y a Kibi et il y a Mr. McFly. Écoute bien ça, t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Yeah. Chaque tête, chaque esprit, chaque peuple ni kill ti qui taille. J'ai bien une technique ancestrale. Le cas, miner la lit dans les mystiques qui traversent les siècles. Nous savent que chaque siècle du diesel. Pour un cabri, changer en technique. Si bois tous les bras de PC, beatbox c'est pour la gel. S'appeler des peines, nous chaînes. Et puis les chaînes, les grèves. Passer plus de 400. Alors ça partit sur l'un et nous battre des pessimes. Passer le haut choc, c'est le haut gel wash. Plus que jamais, faut rester glock qu'on bloque. Rester solide, pas ni de vol, pas ni de rush. C'est toi d'où vous êtes, c'est lié, c'est né pour sauver vaillant, pas les courir, solide qu'on voit qu'on pêche, pas qu'à pourri, c'est l'été inique, vous faites vivre. Plus encore, on va faire musique, qui pas festif, qui pas tout touriste, c'est qu'on s'y comprenne, ça y est, les sorts, guérillant de voir, vous me la guinègue. Fais yon vrai vieux nègre là, la cata c'est goumé à Vieneg. Fais yon vrai vieux nègre là, la cata c'est goumé à Vieneg. Fais yon vrai vieux nègre là, la cata goumé à Vieneg. Histoire j'ai exauce. A don selfie, en fait qui peut voir tout, toucher l'horizon, si on file qui pas cabout. Faut pas opérer froid, si la route que joue un doute. Pour mener la lit, faut l'esprit là toujours doubout. On sait le monde éveillé, longtemps pis dangereux. Qui mille t'es belle là, ou pas arriver gérer. Ou pas arriver avant liberté à pouti bref plus viande. Mais pis go l'ennemi a bel et bien en didant. Ante j'agirai, ante que descendre au next stop. Qui répéche en moins bien propre au desktop. Prends bois la bombe et pas jamais ouvine. Mais combat la pas fine, même si vous mettez en sourdine. Si voilà en dit dans un genre persistant. Si garçon en tant que vivant on doit être résistant. Sinon fou qu'en vivant bistant qu'on la reste. Qui absent et nous toujours à don l'éternel au commencement. C'est goumé à Vieneg. Fais yon vrai Vieneg là. C'est goumé à Vieneg. Fais yon vrai Vieneg là. C'est goumé à Vieneg. Fais yon vrai Vieneg là. C'est goumé à Vieneg. Mis en carbone, putain. Pour comprendre qu'il y a de l'eau, du bout de pon, de l'eau pon. Coco, caco, musique, rap. On va attendre trop longtemps pour un peu fête en moi déjà. Petit bouffé, l'agent, déjà qu'attendre boîte en moi. Un sentiment en allô, un atterri, carinage, goulant, go vacillant. Mais surtout respecter qu'à boîte en moi. Roumé à vinaigre, j'ai senti amputation. Un lyrical, que j'espère, m'en fait thorax sans consommation. J'en sais, dans la vie, ma gueule est péripée. Si c'est marché avant courir, tous les jours en cassouri. Chaque moule, joue un chimène, toujours capoté, on bute. Ça prend 10 ans, on pliche, on nie tout ça qu'est au besoin. Ça comme moi en tour, en moins qu'il tient, en moins à trois. Chaque pas que mes cafés, il a poupé, ben moins parlant, je n'ai sans mouvement. Le nage à pitié, et puis grand, si nous trouvons qu'à gagner, ma foi, fait premier tout vent. Bah, ici le professeur Dokbeski, direct post-trip Diamond. Toujours de l'esprit, reste tranquille. Positive, positive, positive, positive. Ici Exos Met Kakola, dit professeur Exoski sur Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est là, on écoute le morceau très très très lourd. Donc toi-même t'as dit c'était pour boucler la boucle. Donc là on a entendu certains des professeurs qui font partie du Karikera Crew, n'est-ce pas? Exactement, nous sommes les professeurs. L'éminence, c'est Karikera Crew. Ouais. Alors, quand tu me parles de Kibi, c'est Kibi qui a inventé toutes ces blagues-là. Ça. Mais et un truc aussi, pourquoi ce morceau-là? Parce qu'il résume bien aussi, non, on est hip-hop parce qu'il y a beaucoup de scratch sur cet album. C'est quelque chose que je sais pas où. Il n'y a pas beaucoup d'albums de nos jours dans le milieu hip-hop qui ont autant de scratch. Et c'est bien pour montrer que c'est l'hip-hop à la base, hein. Tous les éléments. Quoi. Toujours comme d'hab. Et d'ailleurs, par rapport à l'époque, là, c'était, on n'a pas entendu beaucoup de morceaux où vous étiez, qui sont sortis sur album, où il y avait La Horde Noire, plus Karikera Crew, que tout le monde soit vraiment là au complet en boule D, quoi. Alors, c'est la vie qui a voulu ça, sincèrement. Parce que, par exemple, tu vois le premier album de Dali. Le premier album de Dali, je l'ai entièrement enregistré avant qu'il sorte. Ok. Tu vois. Et j'ai fait deux beats ont fini. C'est-à-dire en fait on a fait l'album en France et quand il arrive en Guadeloupe, c'est David Drumeau qui produisait l'album et David Drumeau tenait à ce que Stanisky participe à l'album. Donc Dali et Stanisky, c'était un contrat. Dali et Stanisky ont refait une grande partie de l'album. Mon départ, c'est Dali et moi qui avons fait l'album. Donc même si j'apparais pas lyricalement, on était là. Exos a fait deux beats, j'ai fait deux beats, donc j'ai 400. Et c'est TX qui a tout mixé, tout enregistré. On était tout le temps ensemble. Darky, c'est aussi la vie parce que on n'est pas tous partis au même endroit pour faire nos études. Et c'était difficile physiquement de se retrouver, quoi. C'est difficile physiquement de se retrouver. Après, Darkman, c'est Darkman, hein. C'est vraiment Darkman, quoi. Il s'appelle Dark, il est sombre. Et c'est Darky le jour, Darkman la nuit. Faut réussir à le choper. Et Dali a continué son bonhomme de chemin. Et c'est la vie, hein. Franchement, c'est la vie qui a fait ça. C'est pas le manque d'envie. C'est pas le fait. Moi, je suis la personne qui veut tout le temps qu'on fasse toujours tout ensemble. Donc, si ça c'est pas fait, c'est juste parce que ce sont des opportunités, quoi. C'est de pouvoir être tous au même endroit, d'avoir le même développement. Tu vois, Dali fait que ça toute la journée. Moi, je suis prof. Ensuite, il y a la famille qui vient dans ça. T'as des enfants, t'as un autre style de vie. C'est moins évident que quand on avait 15 ans et qu'on se retrouve en bas de la cité. C'est vrai, et surtout aussi par rapport à hip-hop créole, quand on est en Guadeloupe, il y avait cette histoire aussi de transport pour aller à gauche à droite pour pouvoir faire du son. C'était pas forcément évident. Non, nous on a jamais ce problème là, on est tous sur Pointe-à-Pitre. Ouais, vous étiez sur Pointe-à-Pitre, mais je veux dire par rapport aux autres crews. On a jamais ce problème là, du fait de rencontrer les autres crews, en fait, c'est de là la question, c'est-à-dire l'échange entre crews de hip-hop créole, etc., tu vois. Parce que vous étiez sur Pointa, les autres étaient à gauche, les autres étaient à droite. C'était pas forcément évident de rencontrer, par exemple, les gars de Sainte-Rose, les gars du Moule, etc. Non, Mais je dis oui, mais en même temps, je dis non, mais en même temps, je dis oui. Enfin, je dis non, mais parce que c'est clair, c'était difficile, mais ça se faisait. Voilà, j'ai l'intention de sortir plein de projets durant les vacances, là, et notamment les inédits de l'époque. Je me rends compte que j'ai 4 sons avec Forsyth, qui est dans Bertrand, je monte dans Bertrand, il descendait sur la piste. J'ai pas mal de sons. Et Radio Tambour a vraiment rassemblé tout le monde à un moment. Hein. Tu te débrouillais, tu t'organisais, tu le faisais à pied en stop, ouais. Et tu arrivais à Radio Tambour. Hein. Grave. Et bon, c'est notre époque. Ouais. On a Internet. Et d'ailleurs, il y a Kali qui est à côté de moi, dit tiens, Kali, pose ta question toi-même. Bonsoir. J'ai une question par rapport aux connexions avec les autres îles. Donc, je pense qu'à l'époque, c'est très compliqué. Et maintenant, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que vous avez des connexions avec la Martinique ou la Guyane? Ou je ne sais pas. Même la France, qui sait? Ouais, non. Non. Bien sûr. Bon, en fait, moi, je travaille beaucoup avec les Yardi Squad, donc Rilfi, et DJ Dirty Clean. Je travaille avec Mali. Je check Mali bien. On a un son là pour mon projet qui arrive. Et sinon, je travaille beaucoup avec Nerka sur ces deux projets où on peut me retrouver en featuring sur Hip Hop for Life et sur Bouka. Très gros son. Merci. Et après, on a toujours été très ouvert, quoi. Je veux dire, on est facile à contacter. Si tu veux rentrer en contact avec nous, tu as du son. Et si, je te dis franchement, si j'aime pas, je vais te dire j'aime pas. Si j'aime, je vais te dire j'aime et on va bosser ensemble. Normal. Facebook, le net. Mais il y a un autre truc aussi, c'est qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de se concentrer sur nous. Parce qu'on commence à prendre de l'âge, on a des choses à dire, et on essaie vraiment de se concentrer sur nos projets, sur nos sorties. Donc les connexions à une époque, il y en avait, surtout quand on était à Paris. Je travaille avec Georges Simus, avec Dominique Panol, BF ou Dominique. On a travaillé avec Dominique Coco, on a fait pas mal de trucs avec Dominique Coco. Donc les connexions sont là, hein. C'est là tranquillement. Bon, on calcule pas vraiment comme ça. C'est, on fait de la musique, quoi. Yeah. Et il y a une autre question qui nous a été posée par un professeur pour toi. Écoute bien la question. C'est quand tu deviens maire du moule? T'as entendu? On la repasse pour ceux qui n'ont pas compris. C'est quand tu deviens maire du moule? C'est ça. Qui a posé la question? Exos, ouais. Jamais. Là, je suis en train d'écrire la pointe. Partout, je voudrais faire la suite de la boîte. Et l'introduction, c'est respect aux gens du moule, big up moule massive, big up moule dog, big up le chat. Mais on s'en boucle la pointe, quoi. Et la pointe qui a manqué, moi, la pointe qui a manqué, moi. Mère de Bainbridge, peut-être. Ouais, mère de Bainbridge, tu le vois bien comme ça. Comment on appelle ça? Doyen, ouais, voilà, doyen de Bainbridge. Ouais, je vois bien. Mais je sais pas si tout à l'heure j'ai bien répondu à la question de Kali, je sais pas si c'était à côté ou de là. Non, c'est... non. C'était parfait. Tu vois. Ok, cool. Si c'est la voix féminine, la boss féminine de l'émission qui le dit, c'est que c'est vrai, mon gars. Ah, je pensais que t'étais tout seul. T'as fait ton macho là, t'as pris toutes les questions pour toi. Non, mais qu'est-ce que tu veux, fan de hip-hop créole? Non, mais à vrai dire, le hip-hop créole, c'est un océan que je ne connais pas, donc je nage pas en eau trouble. Ah, très bien. D'ailleurs, j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout Karakou, donc j'étais sur le net, j'ai regardé. Okay. Je suis passé à côté de tout ce qui était hip-hop créole, moi, donc ma famille, c'est le dancehall, okay, c'est pour ça. Donc je m'ouvre maintenant. D'accord. Il y a deux groupes qu'il faut check, en plus de tous les autres, c'est Karakou, Karo de Noir, pour découvrir, il y a nos clans, bien sûr. Le choix. Ouais, il y a le choix aussi, maintenant il y a Bocaz, il y a pas mal de gens qui essaient de faire leur truc, il y a pas mal de petits jeunes aussi, les petits jeunes, la petite relève, quel que soit ce qu'ils font. D'ailleurs, on voit que ils sont aussi, certains sont diversifiés comme Nerka, il tape dans tout le mec et il le fait avec talent. Et d'ailleurs, il va encore vous surprendre parce que j'ai entendu chanter avec Fripon là. J'ai dit le petit, il ne blague pas. Donc on va rappeler que Wash Goumé Avieneg est disponible. Allez-y, allez chercher, il est disponible comme tous les vices possibles. 10 years, 10 années, c'est l'édition des 10 années. Donc vous allez chercher en numérique, allez chercher comme ça. on pourra aussi profiter encore plus rapidement des éditions physiques pour les aficionados du CD et autres. Donc allez le chercher, allez donner la force. C'est un projet qui le mérite. C'est un album classique et qui n'a pas une ride. Il tient encore très très bien la route par rapport à tout ce qui sort encore aujourd'hui. Donc je vous le conseille vivement. Donc allez le chercher. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Quels sont encore, répète-nous un petit peu les projets qui sont bientôt à sortir Starji. Bah déjà avant de dire, j'aimerais dire un gros big up à Marc Paro et à l'émission Street Diamond, tu vois, franchement c'est un gros travail, c'est pour moi c'est la base, le travail nécessaire, c'est un vrai travail. C'est comme vous aussi, vous êtes dans Wash Gouma, les mecs. Donc un gros big up à RGB, à Marc Paro. Et les projets à venir, il y a la Roche Tape, donc c'est une mixtape d'inédit de Starji Exos en gratuit pour que les gens, pour remercier ceux qui soutiennent Starji Exos Kaokera Crew. Ensuite, je sortirai un maxi, Le Rêve est mort, bientôt aussi. Ensuite, j'ai l'intention de sortir un album d'ici septembre, et avec aussi des mixtapes gratuits, d'ici août. Donc c'est un album en septembre, un maxi en juillet et une mixtape là en juillet aussi. Et je vais essayer de faire plein de visuels. Voilà quoi. Starjee, Starji. Allez chercher, n'hésitez pas. C'est du hip hop créole. Je vous rappelle qu'il avait sorti un album, c'était en 2011. Donc cet album, vous pouvez l'écouter et le télécharger. C'est Mettre l'école hip hop créole. D'ailleurs, j'avais été ravi de pouvoir voir le clip en exclusivité. Ça s'était passé au Gosier, d'ailleurs, lors d'une belle soirée. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à se rendre sur les réseaux sociaux et à chercher, parce que c'est ça maintenant. Enfin, il faut redevenir un peu plus comme avant, c'est-à-dire ne bouffez pas ce qu'on vous donne ou forcément ce que les gens partagent, mais allez chercher aussi, faites cette démarche-là et vous aurez des belles surprises. En tout cas, Starji, moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir. On a entendu les prochains rendez-vous, on sera là, on sera en rendez-vous. Et vu que quand on s'était croisé en Guadeloupe, je t'avais dit que j'allais faire ça maintenant, que j'allais essayer de rapprocher les quelques kilomètres, n'est-ce pas, qui nous séparent. Donc maintenant, ça se passera comme ça, tu seras bienvenu sur Street Diamond. Maintenant, t'as les clés, tu connais la route, et voilà. Merci. Et j'espère... Encore une fois, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. J'espère aussi un jour que tu viendras dans notre studio, que tu viendras kiffer avec nous pour un big freestyle. Bah tu sais, j'ai un passeport. Toutes les personnes qui sont prêtes à nous faire venir, nous sommes là, hein, et on va honorer leur demande. Il y a 2 ans, Vibration Caraïbes, le festival Vibration Caraïbes nous avait invités. Ouais. On avait passé un très bon moment à Paris pour un super show tranquillement avec le Caco Labo. Et donc là, les passeports sont à jour. Donc n'hésitez pas à nous faire monter sur la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. On adore le monde, découvrir le monde. Donc c'est Starji Exos, Roche Gouma, Zineg, Mettre l'école hip-hop créole, Zion Tupik, sur le net et vraiment les réseaux sociaux, faites les tournées, ajoutez-nous, suivez-nous sur Twitter, Facebook, tous les Instagram, partout, pour avoir des nouvelles et de beaux projets arrivent. Quoi. Il y a aussi le projet de Tismé, enfin Mano Dichango, a.k.a. Tismé. Donc on va aussi inviter les personnes à aller le télécharger. C'est gratuit. Et il y a aussi son album payant, Scientific, qui est juste énorme. Donc j'invite aussi tout le monde à aller chercher ça. Restez bien connectés parce qu'il y a du lourd qui arrive. Il y a pas mal de gros artistes comme ça. Il y a Café Williams Café qui va sortir son album aussi, c'est en gestation. Donc voilà, là il y a Fola qui est sur Paname et son album est disponible à visage découvert. Donc tout ça c'est du hip-hop créole qui fait plaisir aux oreilles. Il y a l'album aussi de Neg Lyrical qui est sorti depuis quelques mois. Donc allez chercher, soyez curieux, on envoie aussi un big up à Skate Squad. Il y a aussi Mali qui a sorti son album l'année dernière. En tout cas sur Street Diamond on passe de tout, on kiffe ça. Je te laisse le dernier mot, mais avant ça j'aimerais te demander... Quel est le dernier morceau que tu voudras écouter avant d'écouter Exos et qu'il nous dise un petit peu ce qu'il est venu faire à Paname et ce qu'il va faire aussi par la suite. Donc, quel est le dernier morceau que tu voudrais écouter? Est-ce que j'ai Lumumba? Non, Len ou Tejen. Ok, ok, on va écouter ça. Pourquoi les nous te gênent? Ouais. Pourquoi les nous te gênent? Parce qu'en fait, nous, on avait toujours un système de statistiques. On faisait passer des questionnaires. Et c'est le son qui est ressorti, numéro un de nos questionnaires. C'est un son qui a vraiment touché plein de gens à une certaine époque. Et dans le contexte où on est, c'est cette histoire, je l'ai lue dans France Anti, l'histoire qui est racontée dans ce son-là, je l'ai lue dans France Anti avant-hier. Et je me suis dit, waouh, la dame est en train de courir sur la plage de la Caravelle après un gars, et c'est exactement ce qu'on raconte dans les NUTGEN il y a 10 ans. Donc c'est les NUTGEN, sincèrement, le titre que j'en découvre. C'est du storytelling, c'est encore un autre concept hip-hop, c'est une histoire, et bon, avec Jenny au cœur. Voilà. Et un personnage que vous allez découvrir tout au long. Voilà, storytelling qui fait partie de l'art du hip-hop, c'est là une façon de raconter une histoire. Et les grands, il y a eu des grands comme ça, comme Slick Rick ou d'autres, qui ont été, qui sont des pros du storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire en musique avec des rimes et la vibe qui va avec, ce qui n'est pas facile à faire. Donc on rappelle que Wash Gourmet à Vienneg est disponible. Allez chercher l'édition numérique. Les 10 ans, c'est la réédition. Donc allez-y. L'émission s'appelle Street Diamond. Et avant d'écouter les NUTGEN, on va écouter ce que faisait Exos sur Paname et ce qui est à venir aussi pour lui. Ben, j'ai bien exploité mon temps en quelques semaines, un mois. Je ne suis pas venu en vacances vraiment. Je m'excuse auprès de tous les gens qui me connaissent et qui ne m'ont pas vu. J'ai séparé le mois avec Doopsis en des semaines de résidence avec une artiste talentueuse qui s'appelle Jasmine, qui chante de la soul en anglais, qui avec des concepts de manga, des trucs fantastiques et en même temps doux. Et pour ça, on est parti à Bordeaux. Et sur Paris, on est là, la deuxième partie du séjour, pour faire des répètes. Et avec un percussionniste qui s'appelle Olivier Juste, nous on l'appelle tous Kem comme Kem Masta, et Kem il joue du tambourka avec nous dans le concept du Kako Labo pour qu'on puisse aller faire une manif de la fête de la musique le 14 juillet à Porto Rico au nom du conseil régional de Guadeloupe qui nous a honoré l'année dernière. Et grâce auquel on descend à Porto Rico représenter Guada, grâce à l'Alliance française de Porto Rico aussi. Donc pour nous, c'est une chance exceptionnelle, puisque le Kako Labo et le concept de Kako Music se veut universel, et qu'il faut s'exporter pour ça, il faut que les gens te connaissent. Donc ça nous donne la chance de le faire ailleurs. Et donc on aura Kem avec nous au cas, et on aura Flo, une rappeuse de Guadeloupe qui habite aux States depuis des années, qui va nous rejoindre à Porto Rico pour faire un show à la fête de la musique. Ouais. Donc mon séjour à Paris, ben il est pour ça en fait, il est consacré à ça, en répète au Centre Barbara. N'est-ce pas Loub? Voilà, et on a entendu Doopsis dans le fond, donc je vais encore remercier Starji. Starji, maintenant tu connais le chemin. Je te dis à bientôt, à la prochaine. Merci d'avoir accepté cette interview. C'est moi. J'aimerais faire un big up aussi à la scène des femmes artistes qui arrivent et qui sont dans le pire moment. Je pense à Inès, à Jenny, à Mimi Nelzi, à Lydia Barline et à Laurence Hamlet qui arrive aussi. Donc de surveiller un peu toute cette gentille mine qui arrive en France avec de gros projets. Il y a pas mal de projets comme ça à venir. Laurence Hamlet, elle a quoi comme actu à venir? Alors, on est en train de travailler sur une mixtape en ce moment, qui va bientôt sortir, et ensuite l'album, donc 2013 aussi. Bon, et l'album, ça va être bad. Vu que tu travailles avec elle sur ce projet, n'est-ce pas, tu lui montreras le chemin du studio, le studio virtuel de Street Diamond, et tu lui diras qu'en tout cas, elle sera bien reçue. Sans problème. Ok, et t'étais bien sur Street Diamond, ça fait plaisir. C'est clair. Diamond, le travail continue, encore big up pour le taf, il est réel et BS man. Toi aussi frère. L'homme s'appelle Starji Exos, l'album est disponible, allez le chercher. Et là on s'écoute un extrait de cet album, le morceau s'appelle Laine ou t'es gêne. Écoutez bien ça, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Hey, c'est histoire des frères, c'est monsieur qu'on chien chat, ni un c'est roar, l'autre là même c'est miaou. Ou sif, si c'est pas arrivé à entendre quoi, yo dit tout. Si frère là, monsieur sans rombé, monsieur qu'on malade, si ils s'en foutaient le système là. Mais c'est au champ, il y a un tout trip, anti-rebelle roi. quant à l'autre frère la même, monsieur Jean est toujours qu'on est tout butin. Pas j'ai pas ma vie avec bonne direction et toujours pas mon conseil. Un grand philosophe quoi, mais monsieur le bonheur et relatif frère là. Et on joue de ta dîme. Pour une fois, vous et moi, nous t'es qu'à fuir de la ville. Monter la caravelle pour vider l'esprit. Et une fois de plus, sous pas j'en carré tranquille. Et un petit moment là où j'ai trouvé à donc cache bras de bile. Pendant t'es qu'à baigner vous, t'es qu'à veiller en chaîne là. Tout risque à briller malheureusement où t'es dernier couillon là. Et premier fou là, arraché sans couloir. Blanc là avec tout ça, ma cojan là, tout là. Yon, de, toi, c'est moun la qu'a crié. 4, 5, 6, en avant caché la couche qu'a levé mollet. Parce que tout côté en passé, même si en fiché. Pas si pas connaître hack notion de Maurice. En sable, c'est frère moi, mais ça qu'a vraiment chier. Devant moi, toujours mêlé, combiné en tout sa vis. En haïf, faut moi complice. Pour le regard de rentrer à case, c'est moi tellement manque à bail plich. L'aime nous te gêne, nous te gêne la haine. Mal délivré, livré à nous-mêmes. Édiqué sans chaîne, sans bailleur. Qui est en peine, toujours à la peine, en quel problème. Tu pas trop cassé, les vieilles graines. Nous te gênes, nous te gênes la haine. Mal élevé, livré à nous-mêmes. Édiqué sans chaîne, sans barrière. Qui est en peine, toujours à la quête, dans quel problème. Tout pas tout assimé des vies. Mais attention, tu ou gagne pas avec filaille. Toujours pour un tout bitin. Donc ils vivent savent que grand feu la bon et mouvement de main. Et là, faut me s'y comprendre. On pique que pète l'année en est en bas. On a brûlé l'ensemble pour dans ma tête, pas senti l'odeur à Zembla. Oui, on a braqué les blancs, courir avant la pompe arriver. Les panneaux la rouge fumé, aïe à popo Marocco. Pour un cocol, 8, 6, 16, 64. Press ma carte, fuck that, on vend 12, 6, 24. Pour qu'avant le crack, mais on songe. Last manger steak pat, fuck rat, 4 pattes et son 4-4. On est feeling now, l'air qu'a marché, c'est respect. On s'est net suspect. T'en as montré du doigt par la majorité. Qui roule la monsieur? La rue là-bas à jouer. On fait des dégâts, que des tout partout. Pour rat, on bat à tout. En bouille, qu'a film bouilla. La fumée brouilla. Bouc pas dit c'est péché, c'est des brouillards. Des pignons de trou jusqu'à rentrer. Quitte à forcer, contact direct, baqué. Nous qu'a parti en volée, nous gêne. La plage, Marie-Jeanne, la haine pour Marie-Jeanne. Ouais, dans la 4-check, nous connaît indigène. Faut qu'on connaître mal à l'aïe. Panique en peine, la 4-check, nous crier. Allez, allez. Mais nous te gêne, nous te gêne la haine. Marie, il veut livrer à nous-mêmes. Les idées sans chaîne, sans baillette. Qui en peine, toujours à la guerre, quel problème. Tout bas, tout cas, c'est mes vieilles graines. Mais nous te gêne, nous te gêne la haine. Marie, il veut livrer à nous-mêmes. Indiquer sans chaîne, sans baillette. Qui en peine, toujours à la guerre, quel problème. Tout bas, tout cas, c'est mes vieilles graines. Ouais, c'est mes. C'est de toute manière, il reste quand même grâce là. Enfin, je n'ai la c'est obligé de jouer un bélier. Et voilà, ça a été pour arriver quoi. Ça t'est fatal ça. Les gars, ça qui est au lent, témoin en parolant. Faut qu'on sache qui problème. Ta système là, j'apporte tes bords. En pavé des fines cons, poche en plein, vaillé. Les petits jobs en dot, mon salaire médiocre, pas joke. Si c'est ça qui m'en l'en fuck. Moi, rentre à mon là, ouais. C'est choqué ça. C'est pété, jackpot là. Ah ouais, tu papa ou pépa. Continuellement, je rêve la vie comme ça. À la roulette, on joue l'autre, faut qu'il coule l'autre, faut qu'il admette. Qu'on peut pas monter toute code book, ça clair et net. Toute norme ou femme peut faire faute, ça bête. Mais faut ni courage, pas accepter les chèques ou les dettes. Être, qu'on la matin, toujours dans un crédit, on traite. En bas d'où est pas mon, en fait, tu dois être. Bisouin, prends place, apprends le gaz, la base, ça connaît là. Si vous t'es pour papa, t'écris au papa, la papa tête là. Papa, moi qui dis, ça, on est pour faire de vie, hein. Ni qui manie, faut voir qui j'en pour boire, j'y a. Mais aucun voix de vous-même avec tout magie, hein. Si on joue l'autre, ça va tout mettre en crash. Tragédie, qui tragédie ça se mord à les trois films. On va manger la matin, nous tous les cafés bon nous man. Quand tu m'as dit tragédie. Hey, qu'est-ce que ça? Tu me sais, on l'a jamais. Maman, on va aller là. Voilà, on l'a jamais dit. Tragédie ça, qui te fait à moi ça? Qui te fait à moi? Eh, que pète ici on dit. Que pète. Non, me fie à moi. Non, mais c'est malade. Mais c'est bien là. C'est un missile là, parce que les gens comprennent. Après rien qui fait violence, ça va quand même nous autres pour en côté. Donc on a dans le temps, on a dans le temps mec. Donc faut qu'on contrôle quoi. Toujours de l'esprit, reste tranquille et positif. Via ça, c'est envie en vivre, envie en connaître, envie en vrai. Parce que tu fais là, c'est Gabali Bazot. Street Diamond, 99.2, Rich Rich, the being all legit. Stat Girl from the being all legit. Vous êtes bien sur Street Diamond et on continue avec Akuji et à la voix vous entendez Mr. Anno. I see you, Bocaz Music.

Il a pas le permis, mais roule en état d'ivresse. Il vit dans une case en tôle, mais devant y'a une grosse caisse. Au boulot, faut pas le fil. Avec lui, rien ne presse. Toute la semaine, il tape dur. Le week-end, faut qu'il décompresse. Il aime pas le froid, la France, le stress. Mais même dans l'angoisse, sa tête, il la redresse. Mon créole n'est pas fan de Napoléon Bonaparte. Il est français, mais galère pour se trouver un Bonaparte. À peine beauté, mais déjà, faut qu'il reparte. Faut qu'il reparte. Mon créole, c'est Marie Condé, où aimé Césaire. Il est fier de rouler les airs, de manie la langue de Molière. Mon créole, il pète sa mère. Représente les territoires, les départements d'outre-mer. Mon créole, parle fort dans le RER. Il est jury ta mère, lorsqu'il est en colère. Mon créole, rappelle-toi de le ZR. Rappelle-toi bien. Hey, what's up, man? It's your boy Keith the Beast, checking in with Street Diamonds on 99.2 FM, Paris, France, from 7 p.m. to 10 p.m. with my boys Talaja, Bandem and Mac Pyro. Y'all tune in, man. Ceux qui ont l'habitude de suivre l'émission savent que l'émission Street Diamonds avec Mac Pyro et Kali, on est là tous les samedis de 19h à 22h. Qui est de la neige, de la pluie, du vent, qui est aussi le beau temps. Donc en tout cas, on est là et on essaie de prendre des vibes. Et avec nous, il y a Williams Café qui est en live from Guadeloupe. Café, what's up? Yes, yes, ça va la famille? Ouais, on est là calmement, ça nous a fait plaisir de t'avoir, tu vois. Tout à l'heure, on a eu Stargy, maintenant on a toi au téléphone. Que demande le peuple? Bienvenue dans notre studio. Ça fait plaisir les mecs, hein. De vous entendre, de vous voir, enfin pas de vous voir, mais de vous entendre, ça fait plaisir de voir l'émission, que ça se passe bien. J'étais justement en train d'écouter le morceau de Mike et Ma, là, que je redécouvre, parce que ouais. Ça faisait longtemps que je l'avais entendu. Mm-hmm. En tout cas, c'est un plaisir, merci à vous. Eh ben, tu sais quoi, nous, ça nous fait plaisir, et là, c'est un nouveau concept, t'es dans notre studio virtuel qui est entre la Guadeloupe et Paname, tu vois. C'est un genre de studio virtuel comme ça, au-dessus de l'océan, personne ne peut savoir où il est vraiment, mais voilà, c'est ça la vibe. Donc, on va s'écouter un morceau que tu as fait avec la charmante et la talentueuse Mimi Nelzi. Et sur ce morceau, enfin, du moins, ce morceau fait partie de ton album en préparation. Oui. Et il s'appelle Parole Vivante. Parole Vivante. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous introduire la vibe de ce morceau? Yes, Parole Vivante. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la musique, hein, qui est véhiculée, que ce soit par les radios, que ce soit par les médias, les gros médias, on voit que tout est de plus en plus violent, tout est de plus en plus obscur et occulte. Et qu'on a besoin un peu de paroles vivantes, des gens qui disent des choses simples, de musique qui parle de vie, d'accord, des musiques saines, des musiques qu'on peut écouter, que les enfants peuvent chanter, que les enfants peuvent écouter, etc. Surtout aujourd'hui que ben moi je suis passé dans une autre phase de vie puisque je suis père de famille. Et donc voilà, et puis super morceau avec un beatmaker très talentueux qui est sur Paname, qui s'appelle Chitty, qui est un gars qui a collaboré avec plein de gens, que ce soit Section d'Assaut, Ends et Lamande, et Mimi Nelzi, une chanteuse bien sûr de Neo Soul, de la Guadeloupe, aussi une artiste talentueuse, une sista, une amie de la famille. Et c'est un plaisir, quoi, c'est un plaisir de pouvoir faire ce morceau et de le présenter au grand public. Donc c'est le premier single d'un album, de mon premier album qui va sortir vers septembre-octobre, qui s'appelle Sunny Day. Ben nous on attend Sunny Day et le Sunny Day il va venir passer quelques paroles vivantes. Williams Café, Mimi Nelzi, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Yes, yes. J'aime quand elle est divinement inspirée et inspirante. Quand elle apaise les mots de l'âme ou qu'elle pimente. Une vie sans goût, j'admire quand elle perd ses vers malgré le manque de moyens techniques et de sous. J'kiffe quand elle est honnête, Ça se sent quand elle vise le cœur avant la tête. Quand elle ne s'impose pas mais qu'elle converse. Quand elle se fait sans calcul malgré la pression du commerce. Pour qu'elle soit crédible il faut que son auteur ait une vie en phase avec elle. S'il en dit trop il sera testé. S'il s'avère que ta musique est un tissu de mensonges, le public ne sera pas fair play. Qu'il est bon d'entendre derrière la barrière sonore des messages, des convictions et des valeurs qui colorent une existence. Qu'elle figure ou pas au top 50, qu'elle soit pleine de paroles vivantes. Si tes mots peignent en sens, coûtez ça qu'à dire. Faire songer peut parler espérance. Qu'à parfois en la vie. Si ta parole qu'a touché qu'elle a touché. Ça fait une musique aussi. Musique pas un message. On dit merci pour musique et poésie. Qu'on domine et qu'on cotille. Un café avec plaisir. Un café avec passion. Un peu bavé sans vision. Sinon pisse mais arrêtez pour pas vivre nos malédictions. Mandé et rythme, musique, péché, go. Mais attention à bruit, pas chahier nos mains. Et qu'est au pérou. Passe parole à non plus faire. Pète contrôle et puis agis comme un fou. Musique peut faire plairer. Musique peut faire rire. Musique peut pas au ballon mais il peut faire dormir. Dis-moi qu'au cas côté, y'a qu'il y a des rimes ou nous y est. Si pas qu'à part, faut se foutre. Des pieds à voir mes souliers. Dès les peuples à carité, t'es débité sans comprendre. Pendant tout cela qu'à gérer yo, t'es mes aïeux en l'air. Oh oh oh oh. Qui mangeait cochon et ça. Fortis mobilisé. Tout est plat, tout les risques. Non. Si tes mots peignent ensemble, qu'à faire réfléchir. Faire songer peut parler espérant. Qu'à aider tous les jours. Parole qu'à toucher qu'elle a. Non. Ça fait des musiques aussi. Je dis non à la musique fast food. Et oui à celle qui mûrit loin des bruits de la foule. Non à celle qui ne fait qu'épouser la tendance. Et oui à celle qui reste authentique et intelligente. Non à celle qui produit plus de mal que de bien. Oui à celle qui nous permet de voir plus loin. Non à celle qui pollue notre atmosphère. Et oui à celle qui nous pousse à faire la volonté du Père. Je dis non à la musique fast food. Oui à celle qui mûrit loin des bruits de la foule. Non à celle qui ne fait qu'épouser la tendance. Et oui à celle qui reste authentique et intelligente. Non à celle qui produit plus de mal que de bien. Oui à celle qui nous permet de voir plus loin. Non à celle qui pollue notre atmosphère. Et oui à celle qui nous pousse à faire la volonté du Père. Je dis non à la musique fast food. Oui à celle qui mûrit loin des bruits de la foule. Non à celle qui ne fait qu'épouser la tendance. Et oui à celle qui reste authentique et intelligente. Non à celle qui produit plus de mal que de bien. Oui à celle qui nous permet de voir plus loin. Non à celle qui pollue notre atmosphère. Et oui à celle qui nous pousse à faire la volonté du Père. Greek Diamond, 99.2 with the Ricks, the Ben OG. Stagger from the Ben OG. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est accompagné de William Scafé qui est là avec nous. Il est en Guadeloupe, donc pour bien situer, c'est important de dire ça aux gens. Donc il est en Guadeloupe, nous on est à Cergy dans le studio. Et on est là en train de kiffer la vibe qu'il partage sur ce morceau avec Mimi Nelzi, Parole Vivante, qui est accompagné d'un clip qui est juste super. Moi j'ai kiffé la vibe et j'ai kiffé merci beaucoup, frère. Ce que ça exprime. Mais moi j'ai eu l'occasion et l'honneur surtout d'écouter cet album Sunny Days, d'écouter un certain nombre de morceaux. Et je peux vous dire que vraiment cet album, moi déjà, je veux, c'est clair que je le veux en CD bientôt. La version numérique, je regarde même pas, je veux le CD tout bien dédicacé, tu vois, à la plume, tu vois, la plume d'oie, parce que cet album va faire partie des classiques du genre. Donc je vous préviens, ça va venir fort, ça va venir dur, mais ça va être aussi doux. Et comme il a dit, comme William Scafé vous l'a dit, c'est, on peut l'écouter avec la famille, on peut l'écouter avec les enfants, on peut l'écouter avec les parents. Et ça, c'est très très important. Mais Café, le prochain single à venir, ça va être quoi? Alors le prochain single, c'est un morceau qui s'appelle Saturday Night. Saturday Night, un morceau où je parle de la fièvre du samedi soir. Mmh. Et allô? Ouais, on t'écoute, t'inquiète, oui, on t'entend parfaitement. Ok, super. Donc, qui est sur une instru de Jim Juice, qui est un artiste, un beatmaker guadeloupéen, qui est très bon aussi d'ailleurs. Et donc voilà, un morceau où je vais parler un petit peu de ça. C'est une histoire, c'est vraiment du storytelling. Et voilà, Le clip est déjà réalisé. Normalement, ça devrait sortir, je pense, d'ici une semaine ou deux. Et voilà, un morceau où ça parle vraiment de ce qui se passe, dans la, ce qui peut arriver du moins, dans cette fameuse fièvre du samedi soir. Oui, d'ailleurs, on avait dit qu'on allait passer un morceau inédit, mais malheureusement, ça ne va pas se faire. Ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Mais surtout que cet album-là, quel que soit le morceau qui va nous être donné, on sait déjà que c'est un bijou qu'on va passer à l'antenne. Donc, il faudra juste un petit peu de patience. Mais tu es venu récemment à Paris. Comment s'est passé ton séjour, notamment la vibe auprès du public? Ben, tu sais, c'était ma première scène solo à Paris. Dans une très très belle salle, Chantier des Halles, justement, ben, Fula, il est en train de il y est là ce soir. Justement. Bah ouais, là, il est en live, là. Pour les gens qui ne savent pas, ben, c'est mon frangin, et puis c'est aussi, lui et moi, on forme un groupe qui s'appelle Benaja. Donc, pour revenir à mon court séjour sur Paris, ben, ça s'est super bien passé. Très bon accueil, hein. Déjà, la salle était bien remplie, il y avait du monde, les gens se sont déplacés en famille. Il y avait des enfants, il y avait des ados, il y avait des parents, il y avait... Et par-dessus tout, moi, ce que je dis, mais je fais pas de concert, moi, je fais des moments de communion. C'est vraiment des moments de partage, des moments où on échange quelque chose, où je donne quelque chose au public et le public me donne quelque chose aussi. Et ce moment de communion, ah, ben, il y a eu ça, tu vois, il y a eu ce truc qui se crée à un instant T et qu'on ne vit qu'une fois et qu'on vit à ce moment-là. Et donc vraiment bien, très bonne organisation, je serai amené à revenir très prochainement parce que bon ben quand son idée va sortir, ben l'aventure vraiment des tournées, des concerts, des salles, des scènes, ben va commencer. Et donc voilà, j'ai bien sûr envie de renouveler l'expérience, tu vois. Très très bon souvenir, très bonne scène, très bon moment. Et justement, du fait que là, c'est un autre répertoire, je suppose que c'est le répertoire où tu as le morceau Respecté Artiste que tu as joué, mais qui est un très bon répertoire. Mais par rapport à Sunny Days, comment ça va se passer? Tu vas privilégier le live? Comment tu vas fonctionner? Tu sais, moi, je privilégie, pour moi, les gens qui comptent vraiment, bah, déjà, c'est le public. Pour moi, c'est... J'ai pas besoin de grand chose. Je peux faire un show autant avec un DJ et un mic avec pure MC style, il n'y a aucun problème. Autant si on doit générer une logistique, avoir des musiciens, etc., etc., faire des répétitions, oui. Après, c'est une idée, je suis pas pro live, tu vois. Moi, j'aime aussi kicker, avoir certes un set bien ficelé, mais aussi balancer quelques freestyles, des beats. Des beats bien lourds et de première, de petite robe, de qui tu veux, et puis kicker, tu vois, kicker sérieusement. Ouais. Tandis que bon, ben si dans un cadre plus feutré, où je suis à présenter l'album, où je sais que ma première sortie, ma sortie officielle du CD en Guadeloupe se fera en live, parce que je suis en pourparlers avec certaines salles ici, et par contre, ce sont en Guadeloupe, lorsque tu veux faire quelque chose, tu veux te faire connaître, il faut surtout en Guadeloupe, on a un truc particulier avec la musique, hein. on aime voir les musiciens, on aime voir les bassistes, on aime voir le batteur, donc voilà. Mais après, live ou DJ, je ne suis vraiment pas fermé, je m'arrête pas, tu vois. C'est pas The Roots où il faut que ce soit du live, mais voilà, je suis pas fermé du tout, tu vois. Et je pense que quand je serai amené à être en France, ben ça sera fortement avec un DJ, moi, et puis à la rigueur, si j'ai un pianiste avec moi, parce que je chante aussi, donc forcément, j'aurais peut-être besoin des fois d'avoir un pianiste pour m'accompagner. Il y a quelque chose que Café ne vous dit pas, mais Café aussi est beatmaker, il a produit pas mal de plusieurs morceaux dans son album. Donc comment tu t'es retrouvé dans ce travail-là? Parce que est-ce que tu avais déjà produit sur les albums de Benaja? Pas du tout. Pas du tout. Donc ben, là, c'est vraiment les premières fois où tu es vraiment sur en tant que beatmaker et MC. Oui, totalement. C'est-à-dire que j'ai suivi une formation par un beatmaker qui est très très fort, qui est pour moi un des meilleurs, qui s'appelle Boogie Monsta, d'un groupe qui s'appelle Backpack Jacks. Justement, ils avaient une tournée aux États-Unis en ce moment. Et c'est un gars, lui et moi, ben à l'époque de MySpace, lui et moi, on s'est connectés, puisqu'il aimait bien ce que je faisais. Et un jour, comme ça, après une discussion avec un artiste aussi qui s'appelle Pure Pro, Le prom dit, mais Café, pourquoi tu fais pas tes propres beats? Parce que tu as les idées, etc. Tu sais plutôt ce que tu veux faire. Et à partir de cette discussion avec Pure Pro, je suis rentré en contact avec Moody Monster, qui à l'époque était libre et m'a dit, bon bah si tu veux que je te forme, tu me fais venir en Guadeloupe et je t'inculque mon savoir. Donc à ce moment-là, bah, je me suis organisé hein, avec mon épouse, etc., enfant, etc. Et je l'ai fait venir, sachant que c'est un Irakien. Je l'ai fait venir, je l'ai fait venir en Guadeloupe. Et pendant une semaine et demie, ben, on s'est enfermé et il m'a inculqué son savoir sur le beatmaking. Sachant qu'il a produit pour plein de gens ce gars-là. C'était le beatmaker officiel d'un rappeur qui s'appelle Philémon. Qui a des ours, sur l'album de Philémon, c'est lui en fait. Hein. L'album Philémon de Philémon, c'est Boogie. Pardon ? Philémon et Deschia. Voilà, eh ben, dis-toi que le beatmaker de Philémon, sur son album là, ben, c'est lui qui m'a tout appris. Mortel. Et quand tu écoutes l'album de Philémon, tu vois la facture, tu vois comment les beats y sont. Tu vois. Et voilà. Et puis petit à petit, j'ai commencé à travailler, à trouver ma couleur, puisque bon, le tout n'est pas de savoir faire une batterie, groover ou coller un sample, etc. Mais c'est de vraiment créer un univers. Et comme j'aime tout ce qui est art vocal, etc., beatbox, donc j'allie les deux. J'utilise des instruments, je joue des instruments, et en même temps, j'utilise beaucoup mon corps, mes mains, ma bouche, etc., pour créer un son qui est propre à moi. Et ce que je voulais faire, surtout avec Sunny Day, c'était amener des beats qui sont à ma ressemblance, en fait, et que je peux, qui sont de bonne facture, qui sont à ma ressemblance, et que je peux présenter sans honte, tu vois, parce que y a plein de gens qui font des beats aujourd'hui qui déchirent, qui sont très forts. J'ai collaboré avec beaucoup, beaucoup de beatmakers. Mais ce que je voulais faire surtout par rapport à cette idée, c'est montrer aussi que je ne suis pas qu'un MC, je ne suis pas qu'un chanteur, mais que je sais aussi faire de la musique. Et voilà. Et on voit notamment, je le redis encore parce qu'on en parlait avec Stargy, c'est-à-dire que ta palette, encore une fois, elle est super large. C'est-à-dire que par rapport à des textes déclamés que tu fais, je t'ai vu dans Cri de femme. Donc à Cri de femme, oui. C'était encore un autre Williams Café. Quand on t'a vu au Sentier des Halles, c'était encore un autre Williams Café. Quand on t'entend sur le morceau Prends et Cool, c'est encore un autre Williams Café. Sur Sunny Day, ce sera encore un autre Williams Café. Donc, comment tu fonctionnes et comment... Parce qu'on sait qu'en France, c'est notre caractère, on aime bien mettre les gens dans les cases. Mais les cases, alors, c'est difficile. Williams Café, à la base, c'est un artiste gospel. D'accord, issu de la scène gospel. Benaja, c'est gospel. L'évangile, Jésus-Christ, ça c'est clair. Ensuite, tu as, ce message central, ce message, puisque c'est ce qu'on fait en fait la plupart du temps. On nous connaît pour ça, Benaja, c'est un groupe de gospel. Et Williams Café, c'est pas que du rap. C'est pas que du chant, c'est pas que du beatbox, mais c'est un mix de tout ça. Tu vois, j'ai grandi avec en écoutant les artistes, en écoutant plein de choses, en écoutant plein d'artistes. Et je ne peux pas non plus me mettre dans un moule. Récemment, je faisais écouter mon album à une personne avec laquelle j'ai collaboré pour la distribution, la communication de Sunny Day. Elle me disait que c'est ce qu'on appelle un album du monde. Pas un album, qu'on peut mettre dans une case, que ce soit hip-hop, parce que je peux te faire passer aussi bien d'un morceau hip-hop, un morceau super jazz, un morceau super... C'est pas non plus... Tu pars pas à droite à gauche, il y a quand même un fil conducteur, mais Williams Café, c'est un gars qui a écouté plein de choses, et qui aime toucher à plein de choses, et en même temps, qui veut faire les choses bien. Je suis pas un artiste, je ne fais pas que du rap, même si effectivement je tiens quand même à garder cette couleur hip-hop, parce que j'aime le groove, j'aime le gros groove, j'aime quand le kick cogne, j'aime quand la snare elle pète, mais de temps en temps, je sais aussi te faire un piano-voix, ou avec du beatbox, ou je t'imite une trompette. Aussi, il faut adapter son message au public. Tu vois, par exemple, tu m'as vu à Cri de Femme, c'était un festival particulier. Ça devait parler de femmes, de ce que vivent les femmes, etc. Donc je m'adapte au public aussi. si j'arrive en France, bon ben je sais que quand je suis arrivé par exemple au Centre Idéal, j'ai pas fait tout un concert en créole. Parce que bon ben déjà les organisateurs du concert, c'était des Africains. Ce sont des Africains du moins, tu m'entends? Ouais, t'inquiète, on t'écoute bien comme il faut. Ah d'accord. Ce sont des Africains qui ne comprennent pas le créole, tu vois. Mmh. Et donc j'ai rappé grandement en français. Et voilà, après ça dépend. En Guadeloupe, ben, tu sais que tu vas faire une tu vas t'adapter. Il faut s'adapter au public. Et Dieu merci, j'ai cette opportunité de pouvoir ben, jongler un petit peu sur pas mal de facettes. L'essentiel, c'est d'être entendu, d'être compris, d'avoir un message clair et que, au contraire, les gens partent de quelque chose. Partent avec quelque chose, tu vois. On a le temps, je peux donner un court témoignage? Ouais, vas-y, hein, on t'écoute, t'inquiète pas. Tu vois, par exemple, je vois lorsque je suis passé à Saint-Idéal, il y a un père de famille à la fin du concert qui est venu voir l'organisateur et qui lui a dit, tu sais, je suis pas rap du tout. Pour moi, le rap, c'est considéré limite comme la musique du diable, quoi. Parce que tout ce qu'ils vont rap, ben, c'est misogyne, ouais. C'est violence, etc. etc. Mm-hmm. Et cet homme, en fait, a avoué pendant le set, j'ai fait une belle séquence sentimentale, c'est-à-dire des morceaux d'amour qui parlent de relations hommes-femmes, etc., etc. Bref, j'ai fait 4 ou 5 morceaux comme ça d'affilée pour les couples, les célibataires, les couples, etc. Et cet homme, à la fin du concert, il dit à l'organisateur, j'ai été touché ce soir parce que cet artiste m'a dit ce que je devais entendre et je veux sauver mon mariage, je suis en pleine instance de divorce. Et je veux reconquérir mon épouse. Tu vois, si j'ai fait 8000 kilomètres pour que cet homme puisse réaliser ça, et réaliser qu'il a eu tort à un certain niveau, et que par rapport à ce que j'ai pu apporter, ben, qu'il réalise qu'il a envie de sauver son couple, je suis un artiste comblé. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est clair. C'est ce que j'appelle la communion, c'est ce que j'appelle pour moi partager un vrai truc. Je suis pas juste arrivé, vas-y, je parle de mon style, de mon flow, etc. Ça, c'est une époque. Ça, c'est, on est tous passés par là, tu vois, l'ego trip, etc. Maintenant, je veux parler un petit peu de choses plus concrètes. Plus concrètes, des choses de vie, en fait. Tu as l'opportunité de venir à la maison, tu sais de quoi il va ouais. parler son idée. Donc, voilà. Tout ça pour dire en gros que je m'adapte, il faut s'adapter, il faut savoir tenir un discours clair et savoir où tu vas. Tu vas pas parler au ghetto, aux gens du ghetto, comme tu parles aux gens, je sais pas moi. Non mais c'est clair, c'est super large, mais justement, il y a ce message-là clairement. Mais toi aussi, on sent que Williams Café, je vais pas dire c'est la récréation, mais c'est normal en tant qu'artiste que là, tu peux t'exprimer toi-même de tout ton être. Et justement... Je voulais te poser cette question-là. C'était, est-ce que quelque part, t'es pas un petit peu frustré à chaque fois que tu fais des interviews, qu'on te ramène forcément à artiste, à évangélique, etc. Alors que t'es artiste et que tu peux parler de tout. Ça, tu parles forcément. L'évangile, ben, c'est un message universel, mais quelque part, on te ramène toujours à un point, qui est certes le point de départ. Mais qui te représente, qui représente tout, mais en même temps, toi, tu as différents messages parce que tu as différentes facettes et tu as vécu différentes vies, notamment. Ben, tu sais, les gens, forcément, vont se baser sur ce que tu as toujours fait. Les gens vont toujours se baser sur ce que tu as fait, ce que tu as pu faire auparavant, tu vois. Ouais. Et puis, de toute façon, c'est pas quelque chose... Je ne me suis jamais caché, en fait, par rapport à mes convictions... À ma foi, je ne me suis jamais caché. Follet et moi, on a toujours été, comme on dit, on a toujours vécu à visage découvert à ce niveau-là. Il n'y a aucun souci. On a su exprimer notre foi, mais on a su aussi montrer une autre facette de la foi. Souvent, on pense que quand tu es un artiste, je sais pas moi, chrétien, ben que ton discours, c'est voilà, c'est allez, vas-y, tu prêches. Non, c'est un style de vie. Et c'est ce style de vie-là, en fait, que je mets en avant. Après, bon, les gens forcément vont regarder le point de départ. Après, c'est comment amener le message de manière digeste. Moi, je prône un style de vie plus qu'une. Ce n'est pas une religion, c'est pas un truc comme ça, c'est un style de vie. C'est-à-dire que par exemple, si tu me demandes café, est-ce que tu vas à l'église, je te dirai oui. Si tu me dis café, est-ce que tu pries, je te dirai oui. Si tu me dis café, est-ce que tu. Je sais pas moi, est-ce que tu. Comment est-ce que tu vas dans les réunions de prière ou des trucs, je dirais oui. Mais après, tu vois, j'ai une vie. Tu vois, j'ai une vie d'employée, j'ai une vie de père de famille, j'ai une vie maritale, j'ai une vie où je vais avoir un deuxième enfant, c'est une éducation, c'est plein de choses. Donc, je vais te parler aussi de toutes ces choses-là. Exactement, et c'est, voilà, c'est pour ça que je disais ça, c'est que, en fait, comme on disait avant, c'est que souvent les gens essaient de nous mettre quelque part, mais on est des êtres humains dans notre entièreté. Et justement, moi je trouve que c'est ça qui est sympa par rapport à toi, c'est que comme tous les êtres humains, on est des personnages complexes et que voilà, c'est pas ceux qui s'attendent à une prêche de 4 minutes sur des morceaux, etc. Vous avez juste tort. De A à Z, parce que c'est pas ça, c'est juste la vie qui est chantée, et voilà. Et je voulais revenir avec toi sur un morceau, Prends et Cool, parce que on sait que en Guadeloupe, la Guadeloupe est dans une mauvaise période au niveau de tout ce qui est violence, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette inspiration qui t'a fait écrire sur ce morceau de Skyman Beats? Prends et Cool, c'est un peu comme Respecter Artist, ce sont des morceaux coup de gueule. Ce ne sont pas des morceaux qui sont forcément sur des projets précis. Ce sont des morceaux qui sont que je fais vivre par rapport à des situations précises, particulières. Là, on voit tout ce qui se passe en Guadeloupe, tu vois. On voit tous. Et malheureusement, beaucoup d'artistes, tu vois, ne disent pas. Je pense aussi que la musique, elle a aussi cette vocation à pouvoir dénoncer certaines choses. Et pas seulement proclamer un style de vie. Aujourd'hui, bon, tout le monde c'est Rick Ross, c'est cocaïne, c'est cocaïne, c'est etc. etc. Nous, il faut une alternative, il faut qu'il y ait un équilibre, il faut pouvoir parler d'autre chose. Et moi, je ne pourrais pas garder la bouche fermée. Le style, par exemple, on n'attendait pas sur ce style de beat-là. C'est vrai que c'est un beat un petit peu... on m'attend toujours sur des beats un peu plus jazzy, un peu plus groove, etc. Skyman Beats, c'est un beatmaker, un jeune beatmaker qui entre dans la vingtaine et qui est talentueux. Quand il m'a envoyé le truc direct, j'ai tilté, j'ai écrit le son une journée, même pas, en une demi-heure, c'était bouclé. Et vraiment pour que les jeunes qui écoutent ce style de musique, les jeunes, parce qu'en fait c'est pas une... Les gens n'écoutent pas Parole Vivante. Les jeunes de 15, 16, 17, 18, 20 ans, ils n'écoutent pas Parole Vivante. Tu vois. Ça, c'est pour la génération à partir de 25 et 30, 35. D'accord. Mais les jeunes de 20, de 17 ans, 18 ans, qui sont en ce moment, ben, c'est eux que qu'on entend, qu'on voit, qui font plein de trucs, qui s'entretuent, etc., etc. Ces jeunes-là, ils écoutent trap music, c'est leur truc. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est clair. Donc moi, j'ai voulu un peu le temps d'une virgule, parce que je suis en pleine promo de telle idée, donc ça fait un peu bizarre. Je sors un morceau comme Prends et Cool, mais le temps d'une virgule artistique, ben, aller leur dire, voilà, les gars, yo, Prends et Cool, quoi, tu vois, parler un petit peu, dire quelque chose, ne pas rester là et attendre que ça se passe, et puis se dire, ah, la jeunesse, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est facile de dire ça. Non, mais c'est et puis clair. Après, notamment sur ce style de beat là, généralement quand tu entends des musiques trap, ce sont des morceaux durs, ce sont des morceaux qui parlent de la drogue ouverte. Oui, lyricalement. Tu vois, lyricalement, c'est ça, tu vois. Montre aussi que même sur ce style de beat là, on peut parler d'autre chose. Voilà, c'est-à-dire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que par rapport au hip-hop et au rap, on peut aller sur tous les beats, etc. Mais. Voilà, lyricalement et par rapport à la vibe, chacun emmène son message, chacun emmène sa vibe. Et justement, qui a Exactement. Produit le beat du morceau Respecté Artiste? Ben toujours City, c'est le même beatmaker qui a fait Parole Vivante. Okay. Et lui et moi aussi, c'est un beatmaker, on collabore aussi des années. Lui aussi est venu en Guadeloupe et on a travaillé. Et puis voilà, c'est un beatmaker aussi qui est très très fort, qui est surtout connu en France, en Belgique. Pas du tout en Guadeloupe, puisque je suis le seul mec avec lequel je travaille ici. Voilà, c'est lui qui a fait ce beat-là, Respecteur. Yeah. Et ce morceau-là, pareil, c'est un morceau coup de gueule, mais d'où ça te vient d'entendre ce beat et de vouloir dégainer comme ça? D'où ça te vient? C'est vraiment, c'est le morceau qui te porte ou c'est un message que tu avais envie de porter, enfin un coup de gueule que tu... Ça dépend, tu sais, l'inspiration, c'est pas quelque chose qui s'explique en fait. Ça tombe dessus, quoi. Ça te tombe dessus. Moi, je vois un morceau comme Respecté Artiste. C'est vraiment un morceau. C'est par rapport à une situation particulière. J'ai, J'ai changé avec beaucoup d'artistes. J'ai changé avec beaucoup d'artistes qui vivaient des situations très très difficiles et qui n'avaient pas de retour par rapport justement au public. Le public ne réagissait pas. Les gens se donnent, ils créent des choses. Mais je ne parle pas que de la musique. Hein. Je parle de sculpteurs, je parle de peintres, de danseurs, des gens qui vivent de l'art. Et c'est super difficile pour ces gens-là. Tu vois ? Clairement. C'est super difficile pour ces gens-là. Donc c'est justement pour ça. Et c'est justement pour ça que j'ai fait ce morceau Respecter Artiste pour dire au peuple, attention, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Et ces gens-là, il faut les respecter pour le travail qu'ils font. Parce que l'artiste, c'est lui qui te fait voyager, c'est lui qui te fait oublier ton quotidien, c'est lui qui égaye ta journée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, et ben Respecter Artiste, c'est pareil. C'est un coup de gueule à un moment. Un trou plein, et puis ça sort, ça s'enregistre, ça se mixe, et puis ça sort, quoi. Et justement, Café, par rapport à tous ces projets que tu as fait, il y avait le projet Boomerang, où il y avait Boomerang à l'intérieur, il y avait pas mal de... Donc là, c'était une collaboration MC Beatmaker, si je ne m'abuse. Boomerang ? Ouais, il y avait... Non, le c'était morceau. Nighttime. Ah, Nighttime. Yeah, yeah. Tout ça, en fait, tout ça. Que ce soit Nighttime, que ce soit Razor Tongue, que ce soit Respect d'artiste, que ce soit Coin Cool, ce sont des morceaux que j'ai fait comme ça pour déjà avoir une actu. Tu sais, bon, quoi, au-delà de ce que tu as à dire, mais c'est aussi pour montrer aux gens que tu existes toujours et que tu es présent, d'accord ? Que tu es là, que tu es actif. Parce que la nature a horreur du vide et quand tu ne fais rien, c'est quelque chose d'autre qui prend sa place et tu n'existes plus. Nighttime, c'est pareil, c'est le beatmaker m'a envoyé une instru. L'instru m'a inspiré tout de suite, la nuit, etc. Et puis j'ai écrit dans ma tête, puisque j'écris pas en fait vraiment. J'écris pas sur papier, c'est rarement sur papier en fait, okay. J'écris plus dans ma tête. Et les rimes sont arrivées comme ça dans ma tête, et puis ça a commencé, le texte a commencé à se faire, et puis finalement ça a donné Nighttime. À la même époque, j'ai mon pote Hicham qui se mettait à la vidéo, et Hicham, on a collaboré, on a fait le clip, et puis ça a donné le clip et le morceau en téléchargement libre. Voilà, et puis ça a fait une actu, et puis ça fait un morceau surtout que les gens prennent et écoutent et partagent. Ouais, donc ce qui est intéressant aussi pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre Williams Café sur Street Diamond, parce que forcément par rapport à la distance, c'est difficile de l'avoir en interview, mais en tout cas ils te connaissent parce qu'on passe tes morceaux ici, donc t'es diffusé, tous les morceaux que j'ai cités là sont diffusés sur Street Diamond, donc ils te connaissent, mais ils peuvent se rendre compte que c'est une personne qui a une palette très très large, qui peut toucher toutes les populations, et que surtout cette qualité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je me rappelle, c'était en début 2000 ou je ne sais plus, j'avais rencontré Hostile du crew Locha, dont je fais partie aussi, ouais, à la base, et donc il me disait en fait qu'il avait une collaboration en préparation avec vous, qu'il voulait vraiment absolument travailler avec vous, et justement ce que j'ai trouvé bien, que ce soit un groupe gospel ou pas, la qualité, elle est là. Et c'est la qualité avant tout qu'on cherche. On sent que dans tout ce que vous touchez et ce que tu touches, il y a la qualité avant tout. Tu sais, il y a un truc. Souvent, les gens pensent que parce que tu es issu du milieu gospel en tant qu'MC, parce que j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, les gens. Ouais. Dans une famille chrétienne, j'étais pas un gosse débile, etc. Au contraire, pour moi, ces trucs-là, ça ne me parlait pas du tout. D'accord ? J'ai aimé le rap avant des. Tu vois, je suis vraiment un gars. Le hip-hop a rythmé mes années 90, surtout à la fin des années 90, puisque je suis issu de cette génération-là. Ouais. Et qui fait que moi, quand j'ai commencé à rapper, j'étais pas chrétien. J'avais pas d'orientation spirituelle dans mes morceaux. Ce qui fait que moi, comme tout MC, le but c'était d'avoir la meilleure punchline, les rimes, le style, le placement, l'originalité, l'authenticité. Donc ce qui fait que quand ensuite, conversion, il y a eu à l'âge de 23 ans, aujourd'hui j'en ai 33, si tu veux, même si le discours avait changé, mais cette envie de MC, de rappeur, de pouvoir techniquement être au rendez-vous, de venir avec des rimes, de choisir des beats fat et de pouvoir, voilà, tu vois, exceller dans ce que tu fais, ben c'est toujours là, tu vois. Je peux pas arriver aujourd'hui sur un instru et juste faire un truc whack, quoi, tu vois. Non, ouais, c'est clair. Surtout que j'ai connu l'âge d'or du hip-hop. Tu vois, j'ai connu la fin des années 90, c'est une année où le hip-hop a explosé. T'es piqué, mec. Sinon, tu as... T'es piqué, mec. T'es piqué au hip-hop. Alors, on t'entend mal. Essaie de te déplacer, mets-toi sur une jambe, mais on t'entend allô, un petit peu. Allô, allô. Ah là, je t'entends bien. C'est une période où t'as tous les gros MCs qui sortent. Que ce soit Jay-Z, que ce soit Nas, que ce soit Biggie, Big L. T'as tous les MCs qui sont forts, qui sortent, qui ont du flow, qui ont de la technique. Qui fait que, voilà, toi, aujourd'hui, parce que j'ai pas grandi avec la culture du hip-hop français. Donc ouais. Voilà, toi, d'entrée de jeu, t'es bercé, t'écoutes, voilà, moi, quand j'écoute du The Roots, quand j'écoute du Mos Def, du Talib Kweli, du Common Sense, voilà, tu prends une baffe et tu te dis, waouh, les gars, ils sont trop de flow, ils ont trop de technique. Donc, j'ai grandi avec ça, tu sais qu'aujourd'hui, je peux, même aujourd'hui, quand je regarde la nouvelle génération, je vois des gars comme Joey Badass, je vois des gars comme Kendrick Lamar, voilà, il faut être au rendez-vous. Et toujours avec de l'originalité, les mecs, avec du flow, mais aussi beaucoup d'originalité, parce que sinon tu passes à la trappe, malheureusement. Donc quand tu vois des mecs comme Kendrick Lamar, super original dans les lyrics, à partir dans des délires, etc. Et moi, c'est ce que je kiffais, en fait, avec le hip-hop Quinry, c'est que les mecs, même si par exemple ils peuvent te faire un son qui paraît basique à la base, mais le délire, en fait, ils arrivent toujours à t'emmener, en fait, dans leur délire. Ouais. Et c'est ça. Moi, ah, du bon... C'est eux qui ont créé le hip-hop par de là, hein, tu vois, pour rester humble. Hein. C'est clair, c'est vois, clair. Humble, non. Voilà. Mais toujours ce souci de la qualité. Toujours ce souci, on a toujours eu depuis le départ ce souci de la qualité, d'amener quelque chose de bien fait, de bien construit. Et je pense que c'est ce qui a payé avec le temps, avec les années. Les gens aujourd'hui reconnaissent que voilà, quand on est sur un projet, que ce soit Fola, que ce soit moi, ben voilà, que c'est... Lyricalement, on est au rendez-vous. Après, c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas, tu vois. Voilà, tu peux pas plaire à tout le monde. Hein. C'est clair, c'est clair. Mais fais en sorte que la qualité soit là. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Daemon, 19h-22h sur Radio RGB. À Paname, il est 21h51. Et en Guada, vous enlevez 6h, en gros. Et voilà. Donc là, il est 15h. Ça arrive tranquillement. Il y a Kali à côté de moi qui me souffle parce que tu vois, les maths en même temps parler, tu vois, c'est un peu dur pour moi là. Mais en tout cas, on a kiffé. Donc, on était avec Williams Café. Il vous donne rendez-vous bientôt. Donc, si je ne m'abuse, la semaine prochaine. Exactement. Saturday Night, la semaine prochaine ou dans deux semaines, grand maximum. Saturday Night, deuxième single de Sunny Day. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est original, c'est autre chose, c'est une autre facette de mon art. Donc j'espère que vous allez apprécier, et voilà quoi. Et je peux vous dire que ce mec a autant de facettes qu'un jeu de cartes, l'homme s'appelle Williams Café. Nous on kiffe et on passe ses sons sur Street Diamond, donc ça veut dire qu'on valide d'autant plus. Donc Café, nous on te fait un big up. On te dit, j'espère, à très bientôt. Beaucoup. Et t'as vu, on s'était dit qu'on allait rester, qu'on allait parler 10-15 minutes vite fait, mais au final, on a tellement de choses à dire. Et puis bon, c'est vrai, j'ai tendance à parler ouvertement, simplement. J'espère que j'ai pas abusé le truc. Pas du tout. Toi-même, tu sais que c'est le kiff. Et sur Street Diamond, c'est aussi ton émission. T'étais le deuxième artiste dans notre studio virtuel, comme ça, entre la Guadeloupe et Paname, le spécial duplex. Donc, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je tiens à dire à toutes les personnes qui écoutent l'émission, pendant cet été, il va y avoir pas mal de quiz. Donc, on va inviter pas mal d'artistes dans le studio. Ça va être en mode quiz, en mode trouver c'est qui a utilisé ce sample ou trouver d'où vient ce sample. Ça va être pas mal de choses différentes. Ça va être reggae, ça va être dancehall, ça va être rap soul. Bref, Street Diamond. Donc, on vous donne rendez-vous dans une ou deux semaines pour le nouveau single de Williams Café. Restez accrochés, restez connectés pour Sunny Days. Donc, Williams Café, allez-y sur Facebook, etc., sur tous les réseaux sociaux, vous cherchez. Et voilà, vous allez trouver quelques morceaux qui ne font pas partie de l'album, par exemple comme Prends un cool ou Respecter Artist, mais toujours des bonnes vibes. Et vous allez trouver bien sûr le morceau Parole Vivante qui est toujours disponible en featuring avec mademoiselle, enfin madame, excusez-moi, Mimi Nelzi. Madame. Attends, madame, Mimi attends, pas attends. Donc on envoie. Madame, on habite. Je te jure. Donc on envoie une dédicace à toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui nous écoutent. Toutes les personnes, que ce soit à Paname, en Guada, en Afrique aussi, big up au Sénégal parce que j'ai reçu un mail plein d'amour du Sénégal il y a 2 semaines de ça et ça m'a fait très plaisir. Donc big up aussi au Sénégal. Donc Café, on donne rendez-vous bientôt. Yes, François, merci. Merci d'avoir participé. Merci à vous, big up à toute l'équipe, c'est toute l'équipe qui est derrière Street Diamond. Yeah. Et à continuer, vous faites un réel travail. Merci bro, merci. Eh ben écoute, je t'envoie un big up, un big up. Et de toute façon, je te dis à la prochaine. C'était Williams Café sur Street Diamond. Et on va se faire un petit plaisir. On va écouter Respecter Artist juste pour le plaisir. Merci encore, Café. Merci, François. Peace. Il peut faire rêver, il peut faire danser, il peut faire waler leur propre genre. Il peut parfois et puis courage, il peut faire sourire en mettant l'orage. Là, il peut éteindre. Respectez artistes, si vous voulez gagner vos plis. Père Guadeloupe en parle bas. Respectez ça qui t'aime. Respectez artistes, si vous voulez gagner vos plis. Père Guadeloupe en parle bas. Respectez ça qui t'aime. Big up vous si podium, big up vous en Larry. Mais l'autre si on produit, yo kaya di wan pani. L'agence si me gagne ça ti mal, ok point yapé. Gade wan mi tanzié, et yo force pour apé. Hello kapou et éveille yo bizen par masko. Yo ka compter si yo pou pas changer. On peut pas compter si yo jamaïcain, américain. Ka sorti là yo sorti, depuis pia yo ici dan. C'est la chasse à l'euro, on pas ka plaire si ça en moins. A pas musique à bon manger, mais en connaît ton look. Il like et tout beat et j'espère changer. Coulé à vie à zot, si zot d'accord, zot d'accord. Si zot pas d'accord, ok. Mais pas moins à vie à zot, on savent. Que ça bon j'ai capable, y'a pas qu'à vous prendre. Si bas au music, si bas au critique. Si bas au money, penti. Encore, elle est rythmique. Faut faire, il servit pour gloire. On why. Respectez artistes, si vous voulez gagner vos plis. Père Guadeloupe en parle bas. Respectez ça qui t'aime, yeah. Respectez artistes, si vous voulez gagner vos plis. Père Guadeloupe en parle bas. Respectez ça qui t'aime. Diamond 99.2 Richard Rich the being all legit. Stack girl from the being all legit. So messieurs, dames, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB, il est 21h59. On s'écoute un morceau de Véronique Herman Sambin, le morceau s'appelle Linéa Negra. Rich the Benology. Stacker from the Benology.